Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis IRM, nous allons analyser ensemble dans la formule estivale du podcast l'épisode de Monday Night Raw et l'épisode de SmackDown du 20 et du 21 août. Et pour m'accompagner, l'inénarrable Giscal. Salut Giscal, comment vas-tu? Salut IRM, bah écoute, ça va très très bien. Très très bien, de bons shows. Je retrouve mon super acolyte. Tout va très très bien. Ouais, je suis bien content. Bon, on va voir si ensemble la magie jusqu'à l'IRM, la magie du duo, va fonctionner en analysant oui. Monday Night Raw et SmackDown. Allez, sans plus attendre. Donc, on était toujours à Brooklyn. On est après SummerSlam. D'ailleurs, ça va être l'occasion pour toi et pour moi de dire un peu en filigrane ce qu'on a pensé du pay-per-view, vu que j'invite tout le monde à écouter l'analyse de Ringside et de Raphaël du pay-per-view le plus chaud de l'été. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, du coup, j'en profiterai pour ramener ma poire. Allez, on est donc le lendemain, à Brooklyn toujours, et dans la rubrique donc, des faits divers, donc, c'est-à-dire les petite séquence sans grand intérêt, dont on ne va pas parler. Il y a eu Bobby Lashley qui a combattu le gendarme Corbin, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant, dans un gros match qui a duré plus constable. De 10 minutes. Le connétable. Moi, j'appelle le connétable. Je pense qu'on a tous une version de Google Translate différente, mais moi, j'appelle le connétable. Il y a un côté un peu fromage en plus. Enfin, bref. Baron Corbin a tenu tête à Bobby Lashley, mais évidemment à la fin le Dominator, pour le compte de 3, Bobby Lashley a gagné. Alors c'était un match, pour donner le contexte, c'était un match que Kurt Angle a booké pour un peu punir Baron Corbin d'avoir interrompu l'introduction dont on reparlera en main event, évidemment. Voilà, donc en fait je continue mes faits divers. Ce que je te propose, c'est que si tu as une chose à dire, une déclaration à faire sur chaque séquence, tu le fais. Mais évidemment, on va pas y passer des heures. Alors, une déclaration ? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. J'aime bien le baron constable, connétable. Ouais, j'aime bien. Allez, le fan club connétable Corbin a ouvert ses portes. Envoyez vos sous, comme dit Ringside. Le Riot Squad a vaincu Sasha Banks, Bayley et Ember Moon avec un trio de babyface qui a dominé, mais en face c'est une faction et malgré les hot tags, c'est bien une distraction sur Sasha Banks qui a permis à Ruby Riot de prendre le dessus. Victoire donc pour la faction des punks à chiens. Une déclaration ? Non, il se passe pas grand-chose, c'était un peu random. Dommage qu'il n'y ait pas de build qui se profile pour Evolution, mais bon, apparemment, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Effectivement, je te rejoins là, on a un petit peu du mal et on verra d'ailleurs que c'est pas les seules filles qui sont un petit peu comme ça. C'est le moment de construire un programme pour Evolution. Moment, on peut être contente là des combinaisons, on ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être, dans écoute, la gorille expérience peut-être. Ouais. Troisième fait divers, on a la rubrique vraiment des chiens écrasés là. Kurt Hawkins a tenté de mettre un terme à sa losing streak en défiant Elias qui essaie d'avoir un concert à New York. On se souvient que la corde de guitare a lâché à Brooklyn à SummerSlam. Donc il a tenté, là il était backstage, il s'est assuré avec tout le staff technique, les roadies, que sa guitare tiendrait le coup. Mais voilà, ça ne passe pas. Malgré la pop, le public embarque avec Kurt Hawkins. Elias prend le dessus. La losing streak n'est pas brisée. Une déclaration. Bien, bien. Typiquement, le genre de petit segment qui fait du bien à tout le monde, même à Kurt Hawkins. Ça fait plaisir de voir que le public réagit bien pour lui. Donc voilà. Moi, j'en profite pour saluer Monsieur Tom qui est sur le chat et un coucou à tous les gens qui nous suivent en direct. Écoute, moi aussi, j'aime bien. Kurt Hawkins, là, il faut reprendre. Ça reprend. Il faut pas hésiter. Ouais. Battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est typiquement le genre de petit rendez-vous parfait pour la télé en hebdomadaire. Donc, c'est ça. Continue. On croirait à SmackDown avec ce genre de petit segment. Très bien. Continuez comme ça. ils apprennent des meilleurs. Ils apprennent des meilleurs. Les auteurs de la douleur ont vaincu Titus Worldwide, avec visiblement, il y a un peu d'eau dans le gaz hein, entre Titus et Apollo Crews, avec, comment elle s'appelle, leur secrétaire qui gère leurs affaires courantes, Dana Brooke. En fait, c'est Titus O'Neil, je crois, hein, qui a surpris Apollo Crews et Dana Brooke, et un petit peu, voilà, il y a un petit peu de un jeu de séduction, en tout cas, Dana Brooke prend beaucoup soin d'Apollo Crews. Apollo Crews qui a tenté de briller dans ce match, mais voilà, les auteurs of Pain sont plus forts. Akam et Rezar les ont étalés. Une déclaration ? Non, là pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. On est d'accord. Allez, beaucoup de chiens écrasés à hein, Monday Night Raw, mais voilà, on a fini avec Dawson. De The Revival qui a défait, donc qui a vaincu Bo Dallas par tombée, donc de la B-Team. Hein. Suite à, on se souvient, à SummerSlam, ils ont remporté, ils ont enfin conservé plutôt leur titre, hein, la B-Team. Du coup, Kurt Axel et Bo Dallas, ils sont chauds, ils font ouais, vous avez battu, enfin c'est Kurt Axel, il est chaud, il fait attends, ouais, t'as battu mon pote, mais moi tu vas pas me battre. Donc ils envoient donc Wilder face à Curtis Axel, mais c'est la même victoire du deuxième membre de Revival. Et à la fin, la B-Team prend ses ceintures à la main, il dit ok, vous êtes peut-être plus fort que nous en un contre un, mais on vous prend quand vous voulez en deux contre deux. L'histoire n'est donc pas terminée entre ces deux équipes. Une déclaration. Oui, c'est bon, c'est un petit changement de rythme, mais c'est un peu bizarre. On a l'impression que c'est fait à l'envers, parce que généralement, les heels sont souvent meilleurs ensemble et plus faibles en solo quand il s'agit d'être challenger contre une équipe de face. Et là on nous fait l'inverse. Un peu bizarre, pas trop l'habitude de voir ça. Mais bon, écoute, font marrer moi la B-Team. Ouais, ils nous font marrer, voilà. Faut pas que ça dure trop longtemps, évidemment. Hein, c'est toujours pareil. Les blagues les meilleures sont les plus courtes ou les moins longues. Voilà. Voilà. Je crois que c'est quelque chose. Allez, on passe au gros titre. Ah, là, si j'avais un jingle de JT, là, je l'aurais lancé. Peut-être travailler là-dessus. Alors, dans les gros titres, on avait le retour in-ring de Dean fucking Ambrose. Et oui. Et ouais, qui affrontait ce soir Dolph Ziggler. Donc les affaires ne sont visiblement, en tout cas à ce moment-là de la soirée, hein, pas terminées entre Dolph Ziggler et Dean Ambrose et mince, comment s'appelle-t-il, Drew McIntyre et Seth Rollins. Dean Ambrose qui a fait un peu évoluer son style de lutte, un peu plus stiff, voilà, ils ont bien insisté sur ce nouveau new repertoire, comme ils se sont amusés à le répéter, le Lunatic Fringe donc, qui a déroulé donc une nouvelle variété de coups, évidemment, Drew McIntyre et Seth Rollins se mettent sur la tronche en dehors du ring, avec Dolph Ziggler qui tente d'aider tout le monde, enfin d'aider Drew McIntyre. L'architecte place un suicide dive incroyable, puisqu'on pense qu'il va toucher Dolph Ziggler, mais en fait il touche Drew McIntyre qui est à l'extérieur. Ça distrait un petit peu tout le monde. Dean Ambrose en profite pour placer un DDT suivi d'un Dirty Deeds. Un Dirty Deeds un petit peu changé, un petit peu amélioré, j'ai l'impression, là où il soulève un peu plus le gars. Bah, en fait, c'est plus un contre, en fait. Il contre le DDT de Ziggler. C'est pour ça que ça donne cette impression. Ouais. Voilà, bah écoute, ça m'a donné une bonne impression. Moi, j'ai bien aimé ce nouveau Dean Ambrose. C'était un match bien solide qui a permis voilà, de remontrer que Dean Ambrose, il est allé à la salle, pas que pour la gonflette. Non. La gonflette, pardon. Et c'était plutôt pas mal, il y avait des belles séquences, notamment ce suicide dive là de Rollins. Ça marche toujours bien ces choses là à la télé, qu'on arrive à nous surprendre. Et à ce moment là, on se dit bah écoute, ça a pas l'air vraiment terminé complètement cette histoire, tout est encore possible. Qu'est-ce que tu as pensé en tout cas de ce premier gros titre là? Eh ben écoute, c'était comme tu l'as dit, c'était très sympa de voir Dean Ambrose de retour dans un ring. Alors j'ai pas été transcendé non plus par son match. Je pense qu'il y avait, il y a pas mal d'effets nouveautés qui fait que bon bah voilà, c'était assez captivant de voir son nouveau style. Je sais pas si ça va vraiment faire de lui un catcheur beaucoup plus divertissant qu'avant, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être ça colle à son gimmick, c'est nouveau, on avait envie de le voir et il l'a plutôt bien effectué. Je sais pas, j'attends de voir un peu sur la durée pour me faire un avis sur ce style qui est en effet très stiff, très intense, très très violent, mais pas non plus ultra flamboyant. Alors bon, à voir. Mais ça colle à ce personnage, cette intensité qu'il a dans le regard là, depuis qu'il est revenu. Tu sais pas trop ce qu'il a dans la tête, mais il a l'air d'être changé. On n'a pas encore eu l'occasion de l'entendre parler, ce qui est assez intéressant. Mais voilà, tu sens que voilà, il s'est passé un truc. C'est plus le même homme, mais il est toujours avec le même homme, hein, avec Seth, avec son pote. Donc tout ça est assez intrigant. Le match, bon, voilà, le match est dit, le match n'était pas mauvais. Et puis c'est vrai que bah du coup ça, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va continuer, oui et non, enfin ça. Ziggler a le droit à son rematch. J'imagine. Voilà, il y a toujours cette clause évidemment avec Seth Rollins, mais c'est vrai que on avait presque un peu l'impression après ce match qu'il y avait une sorte d'issue un peu définitive. Hein, voilà, Seth Rollins a pris la ceinture, Dean Ambrose derrière gagne clean hein, quasiment hein, contre l'ancien challenger, le futur challenger, l'ancien champion. Bon. Ça sentait quand même un petit peu la transition, mais bon, écoute, à voir. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'annonce pour Hell in a Cell encore concernant ces quatre-là. Non, de toute façon, on verra effectivement qu'un peu plus tard dans la soirée que toutes les cartes sont un petit peu remélangées là pour Hell in a Cell. Tout est possible. Là, c'était l'acte 1. Ouais. Gros événement de la soirée. L'acte 2, on en parlera dans notre main event. Mais avant ça... Triple H a quelque chose à nous dire. Et quand Triple H a quelque chose à dire, il prend son temps, c'est important, et surtout, il le fait avec beaucoup d'intensité. Il vient nous parler, en fait, tout simplement d'un match qui, je trouve, et c'est dommage, ça a été déjà annoncé, en fait. Hein, l'annonce était déjà éventée, puisqu'il affrontera Amel Bourne dans le Super Showdown, le plus gros événement que l'Australie ait connu et va connaître dans l'histoire de ce petit pays à l'autre bout du monde. Il va affronter pour la der des der, bon, c'est commencé, Once in a Lifetime, l'Undertaker, le croque-mort, et du coup Triple H est là pour nous vendre ce match. Donc... Il nous rappelle l'histoire entre les deux, l'histoire chargée, notamment ce End of an Era match. Hein, on se souvient tous, il y a quelques années, à WrestleMania, avec HBK qui était l'arbitre, et cette image qu'il repasse sur le Titantron, hein, cette belle image où les trois hommes, avec un respect, hein, on parle beaucoup de respect mutuel, un petit peu prenaient le temps, voilà, se rendaient bien compte que c'était fini entre les trois-là, qu'ils représentaient une certaine époque qui se terminait, donc la fin d'une ère. C'est vrai que c'était une belle image, Undertaker avait vaincu Triple H, en tout cas Triple H n'a pas réussi à vaincre Undertaker, c'est surtout ça qui était important. Il nous raconte Triple H avec beaucoup d'intensité que, effectivement, la nouvelle ère a pris la suite, que, bah, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Undertaker a été vaincu à WrestleMania. De nouvelles stars sont arrivées. HBK, bah, on le voit plus. Triple H, il a mis son costume. Mais Triple H, ça le démange. Triple H, ça le démange. Il veut refaire tomber la veste. Bon. On met un petit mouchoir hein, sur toutes les fois où il a refait tomber la veste et le costard. Hein. On n'en parle pas trop, mais là, il veut faire retomber la veste. Il est un peu voilà, porté par la foule, en plus qu'il chante NXT. D'ailleurs, Triple H a évidemment un petit mot pour son bébé. Et du coup, il est d'accord, il est partant pour ce dernier match face à l'Undertaker. Est-ce que, malgré l'annonce, éventé de ce match, est-ce que tu as trouvé que cette promo de Triple H était importante et a permis un petit peu de rajouter un peu de texture à finalement ce gros événement qui effectivement est un grand gala quoi, hein. Donc là on essaie de rajouter un peu d'histoire quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre avec cette nouvelle génération de pay-per-view là, qui est en train de naître depuis cette année avec le Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite et puis celui-ci, ces pay-per-view internationaux là qui font gala un petit peu et en même temps qui comporte des matchs, et, parce qu'il y a eu, des grosses, enfin, il y a eu des annonces, il y a eu une annonce notamment très importante, on en parlera à SmackDown, pour le Super Showdown à Melbourne. C'est-à-dire que c'est des shows qui font gala, et en même temps, on y inclut des matchs qui sont fermement ancrés dans les programmes réguliers de la WWE, donc ils sont cette notion un peu de canon, non-canon que les gens peuvent connaître là, dans les comics, les mangas, les choses comme ça, où finalement on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec ces événements. Est-ce que ça sort un peu de la trame officielle de l'histoire que nous raconte la WWE, ou est-ce que c'est complètement ancré dedans, est-ce qu'on joue un peu entre les deux. C'est vrai qu'au Royal, et donc avec ces nouveaux pay-per-view, on ne sait pas trop comment les prendre, parce que c'est vrai qu'à Royal Rumble, on a vu du John Cena contre Triple H, du Undertaker contre Rusev, qui ne veut pas dire grand-chose. C'est des matchs un peu folklore pour faire plaisir et tout, qu'on pourrait voir justement dans des événements complètement décorrélés. Et en même temps, on avait des title matchs de dingue, on avait eu Lesnar contre Reigns, des choses comme ça. Là, on recommence avec... Moi, j'ai pas de souci en fait si c'est complètement assumé d'avoir Triple H contre l'Undertaker, c'est cool, hein. Enfin, franchement, moi je suis bien content de revoir ce match. Le End of an Era, le concept Once in a Lifetime me gêne pas trop si c'est assez assumé que voilà, on est un peu dans du showdown, hein. Voilà, c'est d'ailleurs le nom du pay-per-view. Mais bon, voilà, la carte telle qu'elle est en train de se dessiner, on retourne sur une formule un peu hybride qui fait que du coup, ça me gêne un tout petit peu plus de voir finalement des matchs comme ça être incorporés à une sorte à la mythologie officielle, hein, de la WWE. C'est un peu plus dommage parce que du coup, c'est vrai que on bazarde, enfin non, on bazarde pas parce que j'aime pas trop les trucs définitifs comme ça, mais en tout cas voilà, on met un petit voile un peu dommage sur des beaux moments de l'histoire, et on revient sur des choses que je trouve qu'on devrait pas forcément toucher. HBK a, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, a cette classe là de pas revenir sur des moments très très forts comme ça de sa carrière. Je trouve qu'on pourrait s'en passer, mais bon, écoute, ça c'est... Voilà, c'est un avis peut-être un peu plus mitigé, mais quand même un petit peu déçu sur la façon dont a été amené ce match. Après, écoute, les promos, c'est toujours un maître, hein, de la promo. Il y a pas de sujet là-dessus. Quand il vient, on est suspendu à ses lèvres et on attend de savoir ce qu'il a à dire, et c'est toujours très très bien fait. Donc, quand j'ai écouté sa promo, même si je savais qu'il y aurait ce match-là, j'étais quand même un peu hypé parce que c'est The Game, parce qu'il nous vend le truc, parce que c'est un grand professionnel. Mais voilà, il y a une petite... complètement transcendée, ni par l'annonce, ni par le fait que ouais, ça a été éventé. Ça, j'aime pas cette mode, non, maintenant. Ça me fait chier d'avoir les surprises gâchées. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est de voir justement trop de spoilers? Ou est-ce que c'est... vraiment une stratégie purement marketing de non, mais c'est pas grave, peu importe, il faut hyper avant, c'est pas grave, je ne sais pas. Mais ouais, c'est ça, on est vraiment dans un schéma de communication, de marketing, où on tease d'abord un peu, on dit bah voilà, il va y avoir ce match, les gens s'y intéressent, parce que la chose qui va d'abord intéresser, c'est le fait qu'il y ait le match, et après seulement on commence à raconter les choses, à prendre plus de temps, parce qu'on a capté l'intérêt des gens. C'est vrai que d'un point de vue storytelling, ça fait moins organique, voilà, comme en dehors de toute considération marketing promotionnelle, on va dire, comme tu le dis, ça fait moins organique. Et quand tu te contentes, on va dire, de suivre les choses à la télé, comme moi personnellement j'aime le faire, quand bien même voilà, on est investi et on est au courant de certaines choses, voilà, c'est difficile, on n'est pas coupé du monde, c'est difficile de parfois de passer à côté de certaines annonces qui sont faites en dehors justement du show en lui-même. C'est vrai que personnellement, on préfère quand c'est l'histoire qui va amener l'annonce plutôt que l'annonce qui amène l'histoire. Ouais. On reproche trop souvent à WWE de faire du rétro-pédalage ou d'avoir à justifier ses actions a posteriori, et parfois avec beaucoup de mal, ou alors parfois même un peu de malhonnêteté, où il faut vraiment accepter, dire « Ok, bon, j'accepte, mais bon, voilà, ne nous la refaites pas, quoi. » Donc c'est vrai que là c'est un peu dommage. On retiendra l'intensité que Triple H arrive toujours à mettre dans ses discours. Mais c'est dommage parce que je trouve que tu vois, ça fait un peu vieille école, mais genre à la limite je préfère Moi, ça m'aurait fait rire, par exemple, et ça, le résultat aurait été le même. Personne n'aurait été dupe. On aurait évidemment compris que c'était un match Marquette pour remettre sur la carte de Melbourne et tout. Mais ça aurait été drôle. Melbourne sur la carte du monde. Oui, mais ça aurait, je sais pas, ça aurait été drôle. Ça aurait été un peu old school, de, je sais pas, de voir Triple H venir faire une petite promo en disant que, je sais pas, il était perturbé en ce moment, qu'il y avait un truc qui le turpinait, il regardait ses anciens matchs ou ouais, j'en sais rien. Bien sûr. Il y avait un truc comme ça, et puis d'un seul coup, et puis là, tu vois, bam, gong de l'Undertaker, Brooklyn ah aurait ouais. été en feu, oui. et ça aurait été cramé, ça aurait été ultra, ça aurait été un peu une sorte de mini storyline à deux balles, mais c'est le côté vieille école un peu qui me dit, bon bah voilà, c'est une sorte de petite surprise un peu gratos que tu peux faire, et ça boucle le match d'une manière un peu plus fun quand même qu'un tweet sur le compte www.com et derrière venir le faire vendre. Voilà, je trouve que évidemment on n'aurait pas été là. Oh là là, incroyable, machin. On aurait vu à travers, mais c'est une autre façon de faire qui, je trouve, se perd de plus en plus. Et on verra ça pour un match encore pire après. Le pire est à venir. Ouais. Allez, on continue dans les gros titres de ce Monday Night Raw. Ronda Rousey, notre nouvelle championne, votre nouvelle championne, c'est pas ma championne, not my champ. Stephanie McMahon est là, elle vient sur le ring, il y a la ceinture qui est posée sur un petit support. Donc Ronda Rousey ne l'a pas autour des hanches, un peu bizarre d'ailleurs, hein, je trouve. Ouais. Oui. Elle l'avait avec elle et on lui a demandé de lui redonner, c'est un peu étrange, mais bon. Elle explique, alors elle est entourée, le ring est évidemment entouré de tout le roster féminin. Avec Lille d'un côté et les Faces un peu de l'autre, on verra qu'il y avait une raison à ça. Elle explique, évidemment, elle veut tirer la couverture vers elle, comme à chaque fois Stéphanie aime le faire. Elle explique qu'elle a, elle a aidé en fait hein, Ronda Rousey à arriver à ce fameux moment, le moment où elle devient championne, qu'elle était là, donc elle était telle un mentor, mais elle pensait qu'elle avait. Comment dire, qu'elle avait tout ce qu'il fallait hein, un petit peu pour y arriver. Donc évidemment, comment dire, pardon. Enfin, elle veut, pardon, j'en perds mes mots. Donc elle tire c'est la... l'émotion. Ouais, non, mais c'est de la révolution féminine. Voilà, elle parle de la révolution féminine, etc. Et comment dire, Ronda Rousey n'est pas contente puisque évidemment Stephanie McMahon. Tire la couverture trop à elle. Donc Ronda Rousey débarque, puisque c'est quand même elle la championne, il faut qu'elle récupère cette ceinture qu'elle a laissée là. Elle débarque, et donc elle s'empare du micro, elle n'est pas contente, elle balance, elle commence à vouloir mettre over toute la division féminine. Stephanie McMahon n'est pas contente, elle place un armbar sur Stephanie McMahon. Les Faces sont là pour célébrer un petit peu cette victoire pendant que les Heels prennent soin de Stephanie McMahon. Et à la fin, on a une image un peu cheesy, un peu fromageuse, comme on dit, où donc on a Ronda Rousey qui est au milieu de toutes ses copines, y compris les Bella qui sont là, avec les Faces bien d'un côté, les Heels de l'autre. Oui, c'est tout, important. Tout le monde est bien contente que Ronda Rousey a la ceinture. Mais bon, ça n'a pas l'air de plaire à Stephanie McMahon. Alors, Stephanie, elle avait fait un petit peu aussi l'apologie de tout le monde. Mais alors, ce que j'ai complètement oublié de dire, j'ai complètement loupé, c'est qu'en fait, elle a essayé de monter toutes les filles contre Ronda Rousey en expliquant que en fait là elle fait la grande copine Ronda Rousey mais qu'elle va casser vos bras à tous chose, voilà c'est de vous casser les bras les unes après les autres et c'est ça qui n'a pas plu à Ronda Rousey. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence? Est-ce que tu l'as trouvée fromageuse comme moi? Ouais, c'est puis c'est un fromage bien fait, hein, pas de première fraîcheur hein, quand même. Là, non, ouais, c'était très compliqué ce segment, très compliqué, c'était long. J'ai pas compris la. Après que bon, qu'il soit mal exécuté, bon, ça arrive. Hein. Voilà, Ronda Rossi n'est pas la meilleure dans cet exercice encore. Hein. Elle a du travail à faire. Même la mise en scène était pas terrible et tout. Bon, qu'il soit mal exécuté, c'est une chose. Ça arrive de rater des segments, machin. Mais alors, moi, ce que j'ai pas compris trop, c'est ce que ça essayait de raconter, ce truc. J'ai pas trop saisi la finalité, parce que mettre une nouvelle fois Stéphanie McMahon au centre et essayer de la mettre une sorte de protagoniste de cette histoire avec Ronda Rossi, on l'a déjà eu, Ronda Rossi contre Stéphanie McMahon, ça a abouti dans un match superbe à WrestleMania, un mixed tag team match qui était top. Donc en fait, je vois pas encore une fois l'intérêt de la remettre au centre des débats. Ça n'attire pas spécialement de pop sur Rossi, et Stéphanie n'a pas besoin de plus de hit. Elle est très très over déjà en tant que hit. Donc ça, je vois pas trop le délire. Je vois pas non plus trop le délire de mettre Ronda Rossi sur un piédestal un peu comme étendard de la révolution féminine, ou en tout cas une sorte de fédératrice du vestiaire, championne adulée, parce que pareil, je pense qu'il y a un peu erreur de casting et c'est pas forcément trop le personnage qu'on a peut-être envie de pousser avec Ronda Rossi. Donc il y a pas mal de trucs que je saisis pas dans ce segment, parce qu'en fait je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir avec ce qu'ils ont fait. Je vois pas trop les, il y a pas de feutre qui pourrait découler de ce qui s'est passé là. Il y a pas vraiment de, je sais pas. En fait, c'est plus l'existence même du segment qui me questionne, plus que le fait que c'était très forcé, très mal joué, parce que bon, ça, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. J'ai vraiment pas du tout vu l'intérêt du truc, si ce n'est de faire passer un peu Ronda Rossi pour quelqu'un d'un peu gnangnan. Oui, vive tout le monde. Et puis toi, par contre, fuck toi, parce que toi, je t'aime pas. Ouais, c'est bizarre. Hein, je sais pas. Ouais, non, c'était une catastrophe. Hein, il faut le dire. Alors, effectivement, Stéphanie, bah, elle a encore fait comme son sacré mari. Là, ils ont fait probablement deux excellentes promos ce soir, mais peut-être des promos un peu vaines. C'est vrai que bon, là Stéphanie, c'était intéressant parce que voilà, elle essayait de s'accaparer voilà tous les mérites de la montée de Ronda Rousey, et puis après elle se retourne, elle dévoile. Mais comme tu l'as dit, on l'a déjà fait. Elle l'avait déjà fait après WrestleMania aussi. Elle l'a déjà fait. Et c'est vrai que quelle est la finalité de tout ça, on ne sait pas parce qu'on nous parle de ce pay-per-view, la Evolution, mais au lieu de nous faire des segments comme ça, on devrait peut-être un peu plus. On va dire travailler Ronda Rousey, quel va être son prochain challenger, montrer peut-être un peu plus de compétition, parce qu'elles sont gentilles, là, toutes les gentilles fesses qui se mettent à ses côtés, et qui tout d'un coup... d'autant plus, un truc qui me gêne vraiment, c'est Ronda Rousey, elle a... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ronda Rousey a fait ses preuves face aux filles du vestiaire pour pouvoir justement être la porte-étendard? C'est surtout ça en fait, c'est qu'il y a un peu erreur de casting quand même. C'est ça qui est embêtant, c'est que... Mais ça c'est un problème qu'on a déjà soulevé, c'est que Ronda Rousey, son discours a toujours été, surtout au début, parce qu'à la fin, peut-être il se rendait compte que ça ne collait pas, qu'elle allait se battre comme les autres, et que qu'elle aura son... Vous voulez pas qu'on lui donne un plateau. Voilà. Exactement, sauf que c'est exactement ce qui s'est passé, quand bien même elle était inclue dans des storylines qui l'ont amenée à se retrouver face à Alexa Bliss, mais on la voyait jamais se battre dans les weekly. Il fallait prendre son ticket en house show pour voir Ronda Rousey vraiment, justement, en fait, être la Ronda Rousey qu'on veut voir, en fait. C'est-à-dire la Ronda Rousey qui est avec les filles et qui se bat, quoi, comme les autres, qui en a dans le ventre. Et du coup, ça, ils ne nous le montraient pas à la télé, ils nous le montraient à au show en Europe, à Paris, et alors qu'à la télé, elle était soit suspendue, soit prise dans des promos, soit ringside. Donc, enfin, clairement, il y a quelque chose qui cloche. Et pendant ce temps-là, les Banks, les Bailey et toutes les autres, elles catchent toutes les semaines. Ouais, elles sont juste là à vouloir faire Mais elles n'ont pas de programme. Gentilles copines, elles n'ont pas de programme. Elle dit qu'elle n'est pas Brock Lesnar, qu'elle sera une Fighting Champion. Bah, elle a intérêt, parce que là, pour l'instant, ça ressemble plus à du Brock Lesnar qu'à une Fighting Champion qui est là toutes les semaines, qu'à un John Cena qui lance des Open Challenge toutes les semaines. Quoi. Donc, exactement. Donc, merci, là, John. Merci, John, une fois de plus. John qui a partagé une belle photo de lui. Là, il est chaud, il est prêt. Il sera prêt pour Melbourne, lui, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, c'est sûr. Dans un match de gala, pour le coup. On a lui aussi. Et voilà, en passant, moi, j'ai détesté le match à SummerSlam. C'était assez... tu n'as pas aimé? Ah non, je n'ai pas aimé du tout le storytelling qu'il y a eu dans ce match-là, quand elle passait son temps là, qu'elle se mettait assise, elle vas-y viens par derrière là, j'ai trouvé ça c'était assez... c'était un squash c'était un squash mais hardcore parce que c'est vraiment elle transpirait la confiance et ça lui a pas coûté une seule seconde, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que d'habitude ça coûte un peu mais alors là pas du tout. C'est trop facile, et du coup, pour un personnage qui est censé montrer qu'elle est comme les autres, qu'elle va se battre, etc., en fait, elle a déjà toute l'arrogance du champion qui est au-dessus de tout le monde, mais en même temps, on veut qu'elle soit la gentille fille que tout le monde apprécie. Oui. Ça colle pas. Ça colle pas. Bon, allez, on va plutôt enchaîner sur la suite, le gros main event, le gros titre. On avait ce soir un match entre Roman Reigns et Finn Balor. Pourquoi? Parce que Roman Reigns, eh ben, je vous parlais d'Open Challenge, il a ouvert le show, c'est notre nouveau champion universel. Ça, c'est fait. On est content parce que c'est fait. Peu importe la manière, c'est fait. La ceinture est de retour à Monday Night Raw. C'est bon. Lui aussi, il le dit, alors c'est marrant. Lui aussi, il dit qu'il va être un fighting champion. Et la preuve, en image, en action, il a quelqu'un déjà en tête. Bah tiens, qui et ben c'est Finn Balor, le premier champion universel qui n'aura duré que 24 heures, mais le premier champion universel qui finalement n'aura pas eu vraiment d'occasion depuis d'affronter le champion en titre. Et ben il le fait ce soir dans un match face à Roman Reigns. On a un gros match avec le Big Dog qui domine assez tôt malgré toute l'excitation de Finn Balor qui va placer un gros dropkick. Le champion attrape Balor qu'il fait un mid-dropkick avec un Superman Punch. L'Irlandais bloque un spear avec un gros coup de genou. Et à ce moment-là, le match commence à s'emballer. Évidemment, Braun Strowman débarque alors que Roman Reigns est en train de armer son spear. Finn Balor arrive presque à capitaliser sur ce moment-là, mais Roman Reigns évite le coup de grâce et il place son spear alors que Braun Strowman est à côté. Braun Strowman justement qui va en profiter pour cacher son money in the bank, non sans avoir placé un bon coup de botte dans le torse de Roman Reigns. On se dit ça y est, on annonce que le cash-in est fait, mais on sait bien que tant que la cloche n'a pas sonné, ce n'est pas effectif. Et ce n'est pas la cloche qu'on entend, non, c'est une musique qu'on connaît bien, une musique qu'on a adorée, une musique qu'on a tenté de nous faire revenir il y a quelques mois de ça, ça n'avait pas fonctionné, et cette fois-ci, on l'a refait, Shield, Sierra Hotel, on connaît les premières mesures, Dean Ambrose et Seth Rollins, tous de noir vêtus, arrivent pour sauver le cul du champion universel, ils triple powerbomb le monstre parmi les hommes à travers la table des annonceurs, fist pump, le Shield est reformé, le champion sera dorénavant bien protégé. Ah oui. Et il va falloir être malin pour aller le détrôner, le chercher. Écoute, ils nous ont pris de court. Je pense que là, au moins, on ne peut pas leur reprocher ça. C'était une sacrée surprise. Peut-être même un peu trop de court, mais on va pouvoir en discuter. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ce final épique ? J'ai trouvé que c'était dingue, super, c'était une surprise de fou. Je m'en doutais, enfin, je m'y attendais pas du tout, même si on pourra en effet en reparler. Il y a des indices, enfin, pouvaient avoir été un peu identifiés en amont, mais c'est quand même une surprise de dingue. C'était extrêmement bien exécuté. Et ça ouvre énormément de possibilités en termes d'histoire pour Roman Reigns et pour la chasse pour le titre et même pour les autres ceintures, pour le titre intercontinental, pour tout plein de choses. Ça rebat les cartes du paysage là, du main event un peu à Raw, ce retour du Shield. Second retour finalement en quelques mois, parce que c'est vrai que le premier avait été malheureusement avorté avec la blessure de Dean Ambrose, petite vague de gastro aussi entérique. Ouais, c'était un peu compliqué et Dean Ambrose avait disparu de la circulation, la grande reformation du Shield avait capoté. On reprend un petit peu là où on en était à l'époque. Sauf que cette fois, les choses ont bien changé, puisque sur les trois larrons, il y en a deux. Finalement, ils détiennent les deux ceintures les plus prestigieuses de Raw. Dean Ambrose vient de revenir avec nouveau look. On va pas pousser, il s'est coupé les cheveux, hein, mais bon, en tout cas, nouvelle intensité, nouveau personnage, manifestement, même s'il reste encore à nous expliquer ses motivations. Le Shield a bien changé, en tout cas, depuis 8 mois. Donc, c'est très intéressant. Pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé, le match était très bon. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympa. C'était un excellent main event. Roman Reigns et Finn Balor, de toute façon, fonctionnent vraiment bien ensemble pour le coup. Donc, j'ai trouvé que ce match était extra. C'était vraiment un des meilleurs main events qu'on ait pu avoir à Raw depuis bien longtemps. Donc ça, c'était top. Puis ça fait plaisir surtout de voir ça pour le titre universel, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des matchs flamboyants pour le titre universel. Donc ça fait plaisir. La promo d'intro du début de show de Roman Reigns était vraiment top aussi, très importante, de tout de suite trancher. Je trouve que c'était assez intelligent de faire cet Open Challenge. C'était assez intelligent et à la fois assez évident. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas 36 solutions non plus. Après toute une rivalité qui était axée autour du champion absent, ça coulait de source que il fallait les premiers jours du règne, il fallait marquer ça par une défense de titre. Et c'est bien vu, même si c'est grossier pour certains, c'est bien vu quand même d'avoir fait que Roman Reigns spontanément aille offrir sa chance à Finn Balor qui n'avait jamais eu son rematch. J'ai été étonné hein, quand il a annoncé le nom. J'ai fait ah oui, enfin ça tombait bien. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais au début, je cherchais. Je me suis dit, mais attends, il veut quand même pas balancer genre Braun Strowman, toi. Enfin, c'est pas possible. Et donc voilà, ce sont des petites choses qui j'espère, vont contribuer à redorer le blason de Roman Reigns. De toute façon, ça passera par plein de choses, même si c'est grossier. Ça passera par un enchaînement de petites choses comme ça. Il faut revalider des concepts, des principes, toi. Ouais. Il faut revalider des principes du champion de la division, du champion de la WWE qui est là toutes les semaines, qui défend son titre, qui donne sa chance à des gens. Le champion face, quoi, vraiment le top. Qui fait le main event, qui ouvre le show quand il faut, qui a des. Exactement. Qui fait des discours, quoi, qui prend le micro et qui. Et c'est vrai qu'on avait besoin de ça. En fait, on n'avait pas juste besoin que la ceinture revienne, hein. C'était ça. On avait besoin d'avoir un champion, quoi. Un champion de show, parce que ça reste quand même la ceinture du show. Donc ça, c'était très important de remettre ça sur le tapis, même si pour certains, ils ont trouvé ça, de toute façon, quoi qu'ils fassent, hein, le pauvre, et pour certains, c'est irrécupérable, mais voilà, ça, c'était important. Le match était très bon, et voilà. Alors, c'est le retour du Shield, alors. Et le retour du Shield, ça, truc de fou. Donc, intéressant le choix du moment, hein, puisque c'est... Ah, moi j'ai popé, j'ai popé gentiment parce que c'est dans vrai que le j'ai. Chat, dites-nous si vous avez popé comme j'ai regardé ça au bureau, donc le popper. J'ai popé en silence, ma mâchoire est tombée sur mon bureau. Non, j'étais vraiment très très surpris. C'est surtout quel impact, parce que Braun Strowman était sur le point de réussir son coup, de cacher et de prendre le titre. D'ailleurs, son petit coup là de pied avant de lancer le match, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est pas très classe, monsieur Strowman. Hein. Je pense que on pourra en reparler. Hein, moi, je cache dans le blanc des yeux, je vais te prévenir, machin. Ouais, ce pas, Perfect sur le chat dit qu'il est... il comprend plus rien au booking de Braun Strowman, qu'il est rendu faible, idiot et pas si réglo que ça. Ah, alors, bah, idiot, je sais pas. Écoute, non, au contraire, moi je trouvais. Faible, je trouvais pas forcément, mais pas faible, si réglo que pas ça. Forcément, oui, mais... Pas si réglo que ça, peut-être. Mais faible, non, parce que clairement, que ce soit entre 24 heures avant où le mec se prend. Lui suicide dive de Roman Reigns, un F5 sur le sol à côté du ring, clairement, par Brock Lesnar, je pense que tu peux pas considérer qu'il soit vraiment faible s'il reste par terre après ça. Et là, il prend le trademark move, hein, la triple threat powerbomb de la faction la plus over et plus puissante de ces 10 dernières années. Je pense que pareil, c'est signe quand même que pour le coucher, il faut y aller fort. Donc non, je trouve pas qu'il soit faible. Je trouve pas spécialement qu'il soit idiot. Au contraire, il est même un peu plus malin que la veille, parce que venir au début du match annoncer clairement ses intentions face à deux monstres comme ça, c'est pas forcément la stratégie la plus maligne si tu veux choper la ceinture. Peut-être la plus réglo, certes, mais pas la plus maligne. Donc ouais, venir et encore, parce que t'attends quand même qu'il y ait un des deux soit un peu fatigué, quoi. Oui, et encore, oui. C'est pas le réglo à la c'est pas non Rob plus Van Damme super réglo, c'est Cena, pas non plus John Cena ou Rob Van Damme, exactement. Donc c'est pas méga réglo non plus, parce que bon, ouais, on avait l'impression que Braun Strowman était devenu avec cette annonce le parangon de la face, du baby face ultime pour le cash-in. Non, il est quand même, il vient dire, ok, il annonce, mais il attend quand même que le match, il va ramasser un mec qui va être dans un sale état. et là derrière, il a beau dire qu'il va cacher sur le vainqueur, machin, il arrive pareil, le mec est au sol, il lui colle un petit coup de pied dans le bas ventre avant que la cloche sonne. Pas méga réglo le garçon. Bon, mais... on va voir avec Braun Strowman, ça c'est sûr, c'est quand même une situation. Mais du coup, cette mallette là, on ne sait pas. Quand est-ce qu'elle va être cachée, hein. Moi, ce que je trouve très bien joué, donc moi, je suis pas d'accord avec Sully qui dit que c'est du fan service. On est dans la continuité de. Bon, il y en a un petit peu quand même. Écoute, je sais pas. Déjà, je trouve que c'est un outil scénaristique qui est très intelligent parce que après c'est un plus qui vient contrecarrer un moins, donc c'est jamais. Mais le moins en l'occurrence, c'était cette mallette que détenait Braun Strowman qui est une épine, enfin qui est un caillou dans la chaussure des bookers pour moi qui est énorme parce que si tu veux un gars comme Braun Strowman qui a la mallette. Il a la mallette. En fait, le problème c'est que c'est difficile de lui faire de faire durer. C'est ça, exactement. Avant qu'il la cache et qu'il... Ouais. Il est trop fort, en fait. Oui, il est trop fort pour avoir la mallette. Il est beaucoup trop fort pour avoir la mallette. Donc, c'est pour ça que je suis pas d'accord quand tu dis qu'on a rendu faible, idiot et pas si réglo. Non, déjà, on l'a redescendu un tout petit peu en termes d'échelle de puissance et tout avec ce segment, ce qui est important. Parce qu'il est trop fort pour avoir la mallette. C'est... On va dire qu'on ne peut pas suspendre notre crédulité indéfiniment en se disant attends, Braun Strowman, s'il a la mallette, c'est impossible qu'il finisse pas par devenir champion, mais genre très prochainement. Il était coincé par le fait que Brock Lesnar n'était pas présent, mais là, avec un champion qui est présent toutes les semaines, mais Roman Reigns, il n'a aucune chance, entre guillemets, il va finir par se faire avoir. Donc Braun Strowman, en fait, c'était vraiment une épine dans le pied, parce que si jamais on veut un long règne de Roman Reigns, on était coincé avec cette histoire. Donc je trouve que c'est assez intelligent d'avoir ramené le shield. Et comment protéger là, tes scénaristes, comment protéger Roman Reigns, qu'est-ce qui est plus fort que Roman Reigns? Et ben, ce qui est plus fort que Roman Reigns, c'est le shield. C'est le shield. Et puis après, ça se tient parce que Roman Reigns, alors après, attention, Roman Reigns, c'est le top guy, il a besoin d'être protégé. Non, il n'a pas besoin d'être protégé, mais après, il ne faut pas non plus mettre un mouchoir sur toute l'histoire qu'a le Shield. C'est trois frères qui sont passés par tout un tas de hauts et de bas. Il y a eu des trahisons, il y a eu des réconciliations, mais il y a eu des réunions déjà par le passé. Ils ont leur bac respectif, hein, comme ils disent, hein, ils comptent les uns sur les autres, ils sont indissociables, et ça sort pas non plus de mon cul, le mec, c'est leur pote. C'est moi qui ai mis le titre de l'épisode. Oui, non, mais je sais, non, mais parce que du coup je vois qu'on s'en sert, mais ça sort pas non plus complètement du cul de tout le monde. Roman Reigns par le passé avait déjà essayé aussi de sauver Seth Rollins quand il était attaqué pour son titre intercontinental Oui, et par le c'est passé. vrai ça. Oui, et donc là, c'est, on va dire que c'est presque un peu normal. On ne peut pas occulter toute l'histoire sous prétexte que voilà, c'est Braun Strowman. Non, c'est presque normal. Évidemment que ça sort un peu de nulle part parce que voilà, c'est aussi le propre des surprises dans le catch. Fallait bien que ça sorte un moment. Mais c'est pas illogique et Ouais. c'est pas un truc scandaleux de voir ces trois potes qui ont leur concept de la justice. Voilà, on va pas revenir sur les 4 années du Shield. Ils ont un alignement qui leur est propre. Ils ont une histoire qui leur est propre. Après, là où je vois aussi un peu le problème, et je pense que c'est aussi quelque chose qui influence un peu sur ce qu'on peut penser du retour du Shield vis-à-vis de Roman Reigns, c'est que c'est vrai que Roman Reigns n'a jamais vraiment. En fait, Roman Reigns a toujours été dans le Shield, en fait. C'était juste le dernier membre du Shield. C'était le seul membre du Shield. Il a toujours la même musique, toujours la même dégaine. Il n'est jamais sorti de l'image qu'il avait quand il était membre du Shield. Et c'est vrai que, du coup, cette reformation du Shield, en fait, c'est. Ouais, alors en effet, c'est un truc que j'ai que qu'on lit. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que. Enfin, c'est bon. Alors après, c'est vrai que le cosmétique et le gimmick est très très important dans le C'est ça. catch. C'est vrai, mais ce serait un peu réducteur, je trouve, de considérer que Roman Reigns est toujours le même depuis 4 ans, juste parce que il a la même musique et à peu près le même veston. Je trouve que c'est. Bah oui, Mais. alors c'est en même temps, il l'avoue presque à demi-mot. Alors il dit pas je suis le même depuis 4 ans, mais il y a quand même toute cette storyline autour de Brock Lesnar où il dit que ça fait grosso modo 3 ans qu'il le chasse. Oui. Donc c'est vrai que c'était son fil rouge. Est-ce que c'est vraiment un personnage qui a évolué depuis le Shield? Je sais pas, hein, ça pourrait faire l'objet d'un Ouais, je débat pense, sur mais un autre ouais. épisode. C'est une bonne question, je pense, c'est une bonne Ouais. question qu'on peut se poser, on peut y réfléchir comme ça dans les Pas semaines à venir. De suffisamment, sans toute doute, façon, mais on risque de le revoir assez souvent, Roman Reigns. Oui. Voilà, peut-être, ouais, je pense qu'on peut déjà teaser en disant que peut-être pas suffisamment pour que justement un retour du Shield te dise ah. Enfin, toi, il y a une espèce de. Tout d'un coup, c'est plus le même. Enfin, toi, il y a quelque chose qui change. Mais c'est vrai que. Voilà. Ce Ouais. retour de Shield avec Roman Reigns. Mais alors, là où effectivement c'est très malin. Alors, moi, je t'avoue que sur le coup, j'ai fait un facepalm. J'ai fait un facepalm, je me suis Ah dit. Enfin, pour moi, j'ai d'abord vu ça comme une ficelle scénaristique, plus une ficelle de booker. c'est une ficelle de booking, Qui oui. assez grossière parce qu'elle sort vraiment de nulle part et que tu te dis bon ok ils vont encore nous refaire le coup du Shield. J'avais un petit peu de mal, comme beaucoup j'avais du mal à accrocher à la deuxième reformation. Évidemment ils n'ont pas été aidés par les blessures, mais j'ai jamais trouvé ça très naturel la deuxième reformation. Et là du coup j'étais encore sur ce toit. J'ai dit bah ok maintenant il va falloir enfin prouvez-moi, faut me convaincre à partir d'aujourd'hui. Le lendemain toi j'y réfléchis et là sur le coup j'étais pas vraiment content, toi j'ai pas popé, mais typiquement c'est après coup j'ai réfléchi et c'est toi avec cette logique de se dire effectivement Roman Reigns, enfin la protection du Ça, Shield, c'est à quoi ça à quoi ça sert? sert, à quoi ça sert, et effectivement je pense que ça va permettre justement de rendre intéressante la chasse vers du titre, toi, la chasse du titre suprême. Puisque Roman Reigns tout seul, ben peut-être que ça aurait été un peu compliqué face justement à cette menace Braun Strowman, c'est ce que tu as expliqué Oui. juste avant. Donc je pense que c'est un outil scénaristique qui va être très fort s'il l'utilise vraiment à bon escient. Oui, parce que ça, c'est attention, en effet, parce que quand tu dis ça va rendre la chasse du titre plus palpitante, là où je partage pas forcément, enfin oui, ça va rendre la chasse du titre plus palpitante, parce que maintenant le Shield est dans l'inconscient collectif, ils sont là, Roman Reigns n'est plus tout seul. Attention, parce que pour moi, alors ça c'est un autre débat que je trouve pas forcément très intéressant pour le moment, mais est-ce qu'il y a eu turn, est-ce qu'il n'y a pas eu turn? Non, pour moi il n'y a pas eu turn, le Shield n'est pas Roman Reigns va rester champion face, et le Shield, de toute façon le Shield n'est jamais vraiment face, oui, ils ont leur justice, leur conception du truc, quoi, mais c'est avant tout trois potes qui se protègent. Mais pour moi, Roman Reigns va rester face après ça. Oui. Attention, ce qui est important quand même de souligner, c'est que ils sont pas intervenus pendant le match contre Finn Balor. Hein. Ils ont complètement laissé. Ils sont intervenus à partir du moment où leur pote était dans une situation qui était injuste. Détail amusant, tu parlais de cosmétiques. Les mecs ont quand même eu le temps d'enfiler leur costume. Ils ont repris leur uniforme. Ça aurait été peut-être assez marrant, tu vois, de voir une sorte de reformation du Shield, mais bon, ça c'est impensable dans le monde de. Avec moins de cosmétiques. Ouais, dans le monde de la WWE maintenant, enfin, ils ont déjà sorti les nouveaux t-shirts du Shield. Enfin, c'est impossible, quoi. Mais ça aurait pu être intéressant de voir finalement un nouveau Shield, une nouvelle itération du Shield, qui est plutôt une sorte d'addition de All-Star du Shield, tu vois, c'est une sorte de trois parce que ils ont beaucoup changé quand même depuis, enfin maintenant depuis 4 ans, c'est plus du tout, c'est plus maintenant ils ont fait leur trou, c'est trois méga stars solo, et ça aurait été peut-être assez marrant de voir finalement une sorte de réunion de voilà des trois top guys qui vont continuer à faire leur bise de leur côté, mais qui par contre ils préviennent tout le monde, on est là, le Shield est de retour, mais on fait notre vie et tout. Ça aurait été pas mal, mais parce que ça, tu sais quoi, ça me fait penser j'ai lu là parce qu'ils ont sorti des comics à WWE qui sont d'ailleurs plutôt bien foutus, je vous le conseille, qui sont tournés autour, justement il y a une trilogie autour de chaque membre du Shield, et il y a une séquence à un moment donné ils sont en mode relax, ils sont en train de se faire un gros barbecue, enfin voilà, toi c'est des bons potes, et ils sont et aujourd'hui toi il y a plus cet esprit, justement parler de justice, il y avait cet esprit de justice, il y avait vraiment une volonté en tant que groupe de faire leur justice, etc. C'est vrai que là ils auraient pu jouer cette carte, bah tu le dis, maintenant c'est des stars, la différence, ouais. C'est un truc que je trouve intéressant, sur le coup j'y ai pas pensé, mais un truc que je trouve intéressant, c'est que à l'époque de la première version du Shield, ils allaient pas chercher les gros titres, ils avaient le titre US, ils avaient le titre tag team, c'était la version un peu bébé, un peu jauneau, oui, du Shield. Aujourd'hui, c'est plus la même. C'est des grands garçons. C'est trois Grand Slam Champions. Ils sont tous les deux Grand Slam Champions. Ils ont les gros titres. Du coup, c'est vrai que ça pourrait être, c'est une version intéressante au sommet, quoi, du Shield. Du coup, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être trouver une autre façon visuelle de le rendre. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas trop nous matraquer avec Shield et qu'ils vont pas sortir tous les trois tout le temps ensemble et tout machin, et qu'ils vont continuer un peu à faire leur vie, parce que déjà d'une, moi j'ai bien aimé le retour du Shield, parce que je trouve que c'est très intelligent pour contrecarrer le gros problème que causait Braun Strowman dans le règne de Roman Reigns. Bon, ça c'est une chose. Par contre, idéalement, j'aurais fait sans. C'est vrai que j'en avais déjà discuté, mais pour moi, Roman Reigns, il devait battre Lesnar et faire son run solo. Il faut qu'il trace sa route solo et qu'il s'affirme tout seul, comme un grand. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça m'emmerde un peu. Et c'est vrai que c'est là où je rejoins... Manque un peu d'évolution, quoi, du personnage, voilà. Qui s'est retrouvé, t'en parles la dernière fois, qui enchaînait finalement beaucoup les défaites. J'ai jamais vraiment eu son run au top, quoi qu'on veuille penser, qui n'a jamais vraiment eu son run au top tout seul, dominant longtemps. C'est vrai que c'est un petit souci, et c'est là où parce que Sully Perfect qui participe beaucoup sur le chat, c'est vrai que là où je dis Reigns, il va rester collé au Shield toute sa carrière, je vois un petit peu le truc. C'est vrai que ça bride un peu l'idée qui, je pense, serait la meilleure pour lui, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément impossible de quand même garder cet esprit-là si ils gèrent le Shield comme une somme d'individualités qui ont fait leur preuve seuls et qui peuvent continuer de faire leur preuve seuls, et pas comme un retour pur, genre venu de nulle part, où d'un seul coup ils redeviennent trois, ils combattent à trois, ils font tout à trois, où là je vois le truc, oui c'est du fanservice, parce que oui, d'un seul coup, ils oublient leurs considérations et ils reviennent... Ce qu'on peut dire, ce qu'on va dire, c'est que le Shield ne s'est pas reformé. Moi, part de ce constat-là, on dit le Shield ne s'est pas reformé de façon formelle. Permanente, si je puis dire. Partons du principe qu'effectivement, c'est juste trois potes qui sont enfin tous ensemble au même endroit, au même moment, dans le même show. Ils ont les gros titres. Ils se rendent compte que voilà, ils cèdent entre eux, les uns les autres. Ouais. Mais le Shield ne s'est pas reformé. Il n'y aura pas de match Shield versus ce que tu veux, la Wyatt Family ou je ne sais quelle autre faction, autre mec. Ça, idéalement, c'est un peu ce qu'on aimerait, quoi, pour montrer. Ouais. Bon, alors, malheureusement, mais bon. C'est pas ce qu'on va voir, puisque... sachez que à Melbourne, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait le Shield contre trois mecs, mais on sait pas encore. trois silhouettes. contre trois silhouettes. Donc probablement Braun Strowman, Finn Balor. Mais Bond, c'est Melbourne. Hein. Je pense que là, il faut pas du tout prendre ça en considération. Non. Mais c'est vrai que ce serait la meilleure chose. Plus. Ce serait peut-être juste le Shield ne s'est pas formé parce que le Shield existe. En tout cas, existé, le Shield s'est reformé mais différemment. Moi, c'est plutôt comme ça que je le verrais. C'est parce que le Shield s'est reformé. Enfin là, ils ont mis le petit tantron, ils ont les t-shirts et tout. Enfin, c'est foutu quoi. Mais c'est reformé différemment. J'aimerais voir la semaine prochaine une réintervention à 3, mais... Ouais. Mais il risque de se passer un truc d'un peu du genre là, mais bon, on verra. C'est un peu notre souhait pour la semaine prochaine, voilà. Voilà. Bidi coup, écoute, c'est comme ça que c'est terminé. Le grand débat du Raw. En tout cas, rapidement, ton top, ton flop et ta note. Ouais. Bon, mon flop, c'est facile, c'est le segment des filles avec Ronda Rousey et Stephanie McMahon. C'était une... Pas pour le jeu d'acteur, mais moi j'ai déjà expliqué, mais parce que je vois pas du tout l'intérêt et je pense qu'il y a, attention à l'accident industriel avec donc ça attention. Et mon top, c'est pas compliqué, c'est le retour du Shield parce que j'ai popé comme un malade. Mais attention, le retour du Shield sous certaines conditions. Voilà. On en a déjà largement parlé. Et ma note, je vais mettre un 3,25. Cette semaine à Raw, difficile d'aller au-dessus parce que c'est toujours aussi long. C'est long, mais t'as vu la tronche de la rubrique des chiens écrasés quand même. Moi, j'en peux plus hein, de ce truc. C'est je sais c'est pas long. Comment ils font les gars d'habitude du show rouge. Hein. Mais bon, écoute, c'est vrai qu'à part à part ce qui se passe avec le Shield, que ce soit au niveau du titre intercontinental ou du titre suprême, bon, c'est pas dingue, mais je vais quand même aller au-delà de la moyenne parce que je trouve que ça s'est plutôt bien goupillé cette semaine. Il y avait un bon flow, donc je vais pas. Bon allez, moi mon top en tout cas ce sera du coup c'est un peu lié le match entre Roman Reigns et Finn Balor. C'est le genre on retourne sur des bonnes baffes, c'est ça qu'on veut en main event d'un show weekly. Et mon flop c'est pareil, c'est Ronda Rousey, toute cette séquence c'est pas possible, c'est trop fromageux. Et ma note c'est un 3 pour ce Monday Night Raw du 20 août. Et maintenant on va passer au show Le meilleur pour la fin. Le show bleu SmackDown qui avait lieu donc dès le lendemain également à Brooklyn. Toujours au Barclays Center. Ils font la formule WrestleMania Weekend. Ouais, effectivement, les quatre. Quatre shows à la suite. Ouais, dans le même stadium. Allez, dans la rubrique des chiens écrasés, on a eu Peyton Royce qui affrontait Naomi avec une victoire de la Heel. Du Iconic Duo qui ont fait une petite promo là pour Talk. Trash Talké, pardon. Oui, la vache, oui. Brooklyn. Quelque chose à déclarer? Non. C'était anecdotique. L'Australie en force. La suite de la rubrique des chiens écrasés, c'était un match mix entre Rusev, Lana et Andrade Cien Almas et Zelina Vega avec une victoire de Rusev. Et Lana, Rousseff, qui a pu placer son accolade grâce à l'intervention, le retour des Dunn English, qui visiblement est pardonné, surtout aux yeux de Rousseff, qui avait l'air bien content de le revoir venir. Oui. Ça faisait plaisir, là, parce qu'on les aime bien, tous les trois ensemble, donc il faut les garder. Quelque chose à déclarer? Non, pareil, je suis très content de voir Aiden English. Et puis, c'est assez rare pour être souligné. Souvent, quand il y a des rematchs le lendemain de matchs qui ont eu lieu dans le pré-show, souvent les rematchs en weekly sont meilleurs parce qu'ils ont un peu plus de temps, ils retravaillent certains spots. Ouais. Là, étrangement, tu vois, j'ai trouvé que le match était un peu moins bien que celui qu'il y avait eu à SummerSlam, que j'avais trouvé pas dégueu. D'accord. Mais bon, après, pour le petit développement d'Aiden English, je suis bien content. Oui, voilà, c'était surtout pour ça. On a eu également une séquence backstage avec Carmella, je crois, qui se plaignait. C'est Paige, lui fait « Ah, tiens, t'as perdu du poids !» Effectivement, puisqu'elle a perdu la ceinture. Et il y a R-Truth qui débarque, qui challenge Carmella. Il dit qu'il la pine où il veut, quand il veut. On va tomber. Et Paige rebook le rematch entre Carmella et Charlotte. Hein, oui, la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, voilà, quelque chose à déclarer. Artrouf, il est rigolo. J'étais mort de rire. C'était mon segment préféré. Oui. J'étais mort de rire. Artrouf, c'est un génie. Écoute, c'est comme ça que se termine la rubrique des chiens écrasés, parce qu'on est à SmackDown et qu'on est quand même des gens sérieux et que, voilà, J'ai pas. nous, on a que des gros titres à SmackDown. Le premier gros titre, c'est évidemment l'ouverture du show avec le Miz qui arrive accompagné de Maryse. Dans une délicieuse parodie de l'annonce du départ en retraite de Daniel Bryan. Tous les deux faisaient Salaud. une mine déconfite, il était au bord des larmes. Il dit, oh voilà, j'ai une annonce à faire. Et il a repris. En fait, tout d'un coup, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer parce que tu réentends effectivement les mots de Daniel Bryan. Donc, il a une annonce à nous faire et que voilà, ce soir, il annonce sa retraite. Mais sa retraite de la rivalité, en fait, hein, avec Daniel Bryan, il en a fini avec lui, il ne veut pas de deuxième match, de troisième, enfin de nouveau match. Évidemment, il se défile un petit peu. Donc il dit voilà, qu'il annonce qu'il a fait ce que Daniel Bryan avait prévu de faire, c'est-à-dire qu'il lui a mis un gros punch dans la tronche, là où Daniel Bryan lui en a mis une centaine, il suffit d'un punch. One Miss Punch pour étaler Daniel Bryan. On nous remonte les images où en fait, évidemment, Maryse avait fourni un point américain. Ah bon, non, moi je trouve que sur les images on ne voit pas, hein. Je sais pas ce qui te permet d'avancer ça. Ah d'accord, bah je sais pas, tu sais c'est comme quand on te dit écoute, si tu écoutes le CD à l'envers, tu entends ça. Mais comme on te l'a déjà dit, du coup tu l'entends. Si on te l'avait pas dit, tu ne l'entendrais pas. Donc peut-être que le fait qu'on m'ait dit Jimmy de Corey Graves voilà, c'est qui est ça. Hein. Alors du coup je le Google. vois, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être c'est autre chose, c'est vrai. C'est vrai que l'image n'est pas non plus Pas flagrant, désolé, on peut confondante, pas. on ne sait pas trop, c'est pas une preuve évidente et indiscutable. Il en est vrai, c'est vrai, tu as raison de le souligner. On ne sait pas trop ce qu'elle lui a donné finalement, c'est peut-être une crème pour les mains. Voilà, exactement. Et du Il avait coup, les voilà, mains sèches. voilà, il a donc, c'est lui hein, qui a le plus gros coup de poing de la WWE, il a fait le pin sur Daniel Bryan devant sa femme et sa fille. Maintenant, voilà, il avance dans la vie, il passe à autre chose, son TV show qui évidemment fait péter l'audience. Daniel Bryan arrive, il n'est pas content. Il l'appelle Coward, Coward, Coward, comme il l'a fait pendant des mois. Shame, Shame, shame. shame, shame. Miz déclare qu'il est un grand gagnant, ce qui n'est pas du goût de la foule, effectivement. Il dit, voilà, mec, je suis supérieur à toi, et que Daniel Bryan jamais ne le battra, puisque c'en est fini pour lui. Tais-toi, ferme ta gueule, le Miz. Je vais exposer, enfin te mettre, enfin voilà, te dévoiler l'imposture que tu es. Tu n'es qu'un acteur d'Hollywood qui se déguise en catcheur professionnel, du cosplay, des mots qui font mal, évidemment. Ça nous rappelle une autre rivalité qui avait inclus John Cena. Oui. Daniel Bryan. D'ailleurs, on verra que le lien entre tout ce petit beau monde Je se tenais le fait. mise. Ah ouais, il y avait également le Miz un peu plus tard. Alors, Maryse dit, écoute, rentre chez toi et au passage, change ton nom. Maintenant, tu t'appelleras Daniel Bella. Ça aussi, ça fait mal. Et évidemment, il n'en faut pas plus. La hanque a dû popper puisque Brie Maude retentit. Brie Brimo. Maude! Ah, c'est tellement horrible. Mon Dieu, on se croirait au gros du roi, la fête foraine. Hein. Brie débarque et elle le botte le cul du Miz. Elle lui met une grosse claque, je crois, dans la tronche. En tout cas, elle le met KO. Et Daniel Bryan y va également. Et du coup, elle dit, ouais, tu vois, ma femme, elle a un meilleur coup de poing que toi. Et du coup, tout ça devrait se régler à Hell in a Cell dans un mixed tag match. Bon, ça, on n'est peut-être pas aussi chaud que. Si, mais Ah, t'es si. chaud, d'accord, t'es Non, chaud. Bah, dis-nous pourquoi t'es chaud pour ce mixed tag match. je suis pas chaud pour le mixed match, mais je suis très très content du développé scénaristique de cette Développé semaine, couché du du scénaristique. développé couché scénaristique de cette semaine. Non, en fait, non, ce que je trouve très intelligent, c'est d'inclure Brie Bella et Maryse dans l'histoire pour repousser, évidemment, enfin, en tout cas pour priver. De la revanche un contre un qui doit arriver le plus tard possible, puisque c'est pas le propos pour le moment. Je trouve que justement le discours du Miz est beaucoup plus efficace dans ce sens-là, à savoir que non, voilà, il a gagné, il refuse maintenant, il passe à autre chose. Daniel Bryan n'est plus rien pour lui, machin. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace évidemment que de juste se replonger directement dans un rematch. D'autant qu'en plus, voilà, il faut se dire que la tricherie, évidemment, tout le monde a compris qu'il avait un point américain, le Miz, mais c'était suffisamment bien foutu. Enfin, je trouve que c'est marrant parce que voilà, les angles de caméra ne permettent pas vraiment de voir ce qu'il avait dans la main, machin, ce qui fait que du coup, il peut vachement en jouer de manière complètement hypocrite pour dire que il a le coup de poing le plus puissant de la division. Ah, c'est très drôle parce que voilà, pendant 2 ans, Daniel Bryan n'a pas arrêté de dire qu'il rêvait de punch le Miz in the face, et c'est finalement le Miz qui gagne comme ça. Ça, c'était formidable. C'était bien génial. Vu, hein, parce que pendant le match, forcément, tu n'y penses pas forcément, et c'est vrai qu'après, tu te fais « Ah oui !» Très bien fait. C'est suffisamment bien fait pour que il n'y ait pas de preuve définitive. Alors voilà, on joue sur les mots, on rigole un peu avec ça, mais c'est important parce que du coup, ça permet au Miz d'avoir une porte de sortie royale pour jouer vraiment le connard de base. Ça empêche Paige de prendre une position là-dessus, hein, parce qu'elle a pas pris de elle est pas venue faire un communiqué en disant c'est scandaleux, pour la peine nous allons avoir un rematch à Hell in a Cell entre les deux. Non, elle peut pas parce que on sait pas, donc du coup c'est bien foutu. Et que faire pour prolonger ça sans donner un contre-un? Du coup on ramène les nanas, c'est toujours comme ça, que faire pour empêcher Braun Strowman on appelle les épouses de Roman Reigns, là on appelle l'épouse de Daniel Bryan. C'est très bien joué parce que moi j'avais, en plus ça colle parfaitement dans le fantasy booking sur 8 mois que j'avais pour cette rivalité. Le dit Sully, on va en bouffer jusqu'à WrestleMania 35. Et oui, et c'est bien mon intention. c'est bien mon intention puisque on en avait parlé. Alors, on avait essayé de théoriser déjà à l'époque, avant Money in the Bank, on s'était dit, yes, putain, il faut pas qu'ils se croisent et il faut que le Miz prenne la mallette à Money in the Bank et qu'il chope le titre et que Bryan gagne le Rumble et tout. Bon, on a eu un petit bump sur la route de tout ça puisque le Miz n'a pas pris la mallette. Mais rien n'est perdu parce que je pense justement que on va peut-être y aller à ce match pour le titre à WrestleMania 35 entre les deux. On va peut-être y aller et ça s'annonce super si c'est bien foutu. Alors malheureusement, je sais pas si on en parle maintenant, mais je trouve qu'il y a eu une annonce qui est vraiment catastrophique. Enfin, pas catastrophique, on peut toujours s'en sortir, mais je trouve qu'il est vraiment très dommage pour le Super Showdown de Melbourne. Si les gens ne sont pas encore au courant, c'est officiel, hein, c'est pas un spoiler. Bon, vas-y, balance si c'est officiel. C'est officiel, hein, c'est passé sur le site et en tweet. Hein, ça n'a pas été mentionné à SmackDown, mais sachez que à Melbourne, donc c'est après Hell in a Cell, hein, le 6 octobre, eh bien, il y aura Daniel Bryan contre le Miz pour un match pour la place de aspirant numéro 1 pour le titre WWE. Ah oui, d'accord, effectivement. Ah, et pourquoi ils ont fait ça? Bah oui, voilà. Donc moi ça m'emmerde un peu parce que... Ils font chier ces Australiens, déjà que leurs bières sont pas terribles. Ouais, déjà qu'ils boivent de la pisse là, et en plus ils nous piquent nos trucs. Donc, c'est vrai que moi, dans l'idée, j'aurais préféré le Miz évidemment devait gagner contre Daniel Bryan à SummerSlam, ça c'était sûr. C'était évident, c'était un des pronos les plus faciles de la soirée. Miz et Maryse doivent gagner à Hell in a Cell. Il faut éliminer Daniel Bryan, il faut le renvoyer pour pouvoir entamer la remontée vers WrestleMania si le Miz est champion. Et écoute, ça peut arriver, puisque là, maintenant qu'on a ce match à Melbourne avec le Miz aspirant numéro 1, pour le titre WWE, moi, j'aurais aimé que la ceinture soit impliquée plus tard dans l'histoire et que le 1 contre 1 retour soit plus tard dans la rivalité. Bon, du coup, maintenant, c'est fait comme ça. J'espère que le Miz gagnera à Melbourne pour ensuite aller battre AJ Styles, qui aura peut-être, échangé son titre avec Samoa Joe une ou deux fois avant. Donc j'espère que ce sera ça pour qu'ensuite derrière Daniel Bryan puisse gagner le Rumble et aller à Mania pour enfin se venger. Ce qui serait beaucoup plus beau que de se venger à SummerSlam. Puis en plus, gagner la ceinture, c'est beaucoup plus symbolique. La symbolique, c'est de dire qui, en fait, a... grosso modo, qui est à la fois le plus légitime et surtout qui a mieux compris finalement comment ça fonctionne dans la WWE, enfin, qui représente le mieux la WWE, est-ce que c'est le Miz et son histoire, ou est-ce que c'est Daniel Bryan et son histoire, en sachant que, en fait, c'est les deux, évidemment. Je sais pas, ça peut être maintenant avec ce nouveau avec ces nouveaux paramètres qui rentrent dans l'histoire. Bon, du coup, le booking change un peu, mais on peut facilement imaginer Samoa Joe gagner ou peu importe après tout. Non, mais si, quand même, Samoa Joe gagner à Hell in a Cell pour devenir champion parce que je pense qu'il mériterait d'avoir un petit mois là, un petit run là. Il est très très chaud en ce un moment, petit run de 2-3 semaines. Ouais. Non, mais un petit run d'un mois, du coup, facile parce que même plus parce que il restera champion pendant le Super Showdown. Et du coup, au Survivor Series, le Miz aura son title shot. Faut que je reprends mon raisonnement juste après. Allez, reviens. Bah voilà, il faut bien nourrir un homme, puisque après, Giscard aura besoin d'arguments. Bon, allez, on va passer à la suite. Hein. On aura le temps de reparler de Daniel Bryan et de Miz d'ici là, puisque maintenant, ils sont accompagnés de leur dame, direction la cage de l'enfer. Allez, on passe à autre chose. Du coup, je te vois remettre ton écouteur dans l'oreille. Excellente transition, puisque Jeff Hardy affrontait Randy Orton ce soir. Randy Orton qui était resté bien sage à SummerSlam. Voilà, pour la plus grande des surprises. Un match tout de suite très violent, puisque Randy Orton, on revoit des images qu'on ne voulait plus voir. Hein. Il joue encore avec les trous d'oreilles de Jeff Hardy. C'est pas très sympa. On a un bon match avec beaucoup de contres. C'était pas mal foutu. Hein. J'ai trouvé, montré vraiment que les deux mecs se connaissaient bien. Et on a commencé à donner du caractère à Jeff Hardy par rapport à cette rivalité, puisque Jeff Hardy en a fini par en avoir eu marre de Randy Orton et lui a donné, spécialité du show bleu, un coup de pied dans les valseuses, un coup de pied dans les couilles pour Randy Orton. Le match, donc victoire de Randy Orton par disqualification, et c'est pas fini puisque Jeff Hardy va tout simplement passer à tabac Randy Orton. Il va tenter de le tuer, notamment en plaçant à la fin une Swanton Bomb sur Orton qui est posée sur une table, hein, enfin du matos à l'extérieur, oui, du ring. Bon, si ça c'est pas une façon de bien booker un match pour Hell in a Cell avec une bonne stipu no DQ ou que sais-je encore, hein. Je sais pas s'il y a une stipu qui a été annoncée avec un match pour Hell in a Cell, mais ça j'en doute pas. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé là, cette séquence, Jeff Hardy, Randy Orton, c'était plutôt bien vu. Est-ce que tu as pu supporter ces images affreuses de trous d'oreilles? Ah non, quelle horreur. J'ai détourné le regard, encore. Comme les gens dans le public, j'ai détourné le regard, c'était horrible. Je ne supporte pas. Non, écoute, c'était pas mal ce petit truc. En fait, j'ai trouvé ça très très surprenant, mais vraiment de manière très positive, très surprenant de la part des bookers d'avoir fait ça, parce que c'est un changement de dynamique qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir dans une rivalité, de voir le face finalement prendre les devants comme ça aussi vite dans la rivalité et de manière aussi radicale. Souvent il a été quand même plus que bien provoqué, mais c'est vrai qu'au final c'était leur premier match depuis que Randy Orton cherchait des noises à Jeff Hardy, et là de voir Jeff Hardy finalement péter un câble et dire, il y avait une réaction très très très humaine, très organique, finalement qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et j'ai trouvé vraiment vraiment stylé de voir finalement Jeff Hardy. Je me suis dit, mais attends, mais Tu m'emmerdes là, qu'est-ce que c'est que t'es complètement taré ou quoi? Et donc, du coup, il se fait disqualifier, il part, écoute, si tu veux jouer à ça, on va jouer à ça, il se fait disqualifier, et du coup, il part en sucette totale, il défonce Randy Orton, et je trouvais que c'était vachement bien. Caméra, et autant, j'étais pas. On pouvait faire une petite feu de plan-plan, ça aurait été très efficace, ces deux grands professionnels, deux stars, ils auraient fait leur match à Hell in a Cell et basta, Jeff aurait fait une pause, ou je sais pas. Ce petit twist-là de caractère de Jeff Hardy qui a décidé de ne pas se laisser faire et de prendre les devants dans la rivalité et de prendre l'initiative dans l'agression, bah, du coup, ça me donne vraiment très très envie maintenant de voir jusqu'où ils sont capables de pousser la violence là, et la folie jusqu'à Hell in a Cell, qui est du coup qui arrive à point nommé en termes de pay-per-view un peu pour pas mal de rivalités d'ailleurs. Là, pour le coup, je trouve que de manière générale, ils gèrent plutôt bien leur barque, parce qu'il y a on est à une période de l'année où toutes les rivalités prennent un tournant assez radical, et on arrive sur un pay-per-view qui est fait pour ça. Donc c'est pas mal. Et donc du coup, même ces petites rivalités de mid-card se goupillent bien. Donc j'étais vraiment très content de ce segment. Super, et bien écoute, si tout le monde est content alors, c'est bien. On va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est quelqu'un qui n'est pas content. Elle est rousse, elle a perdu dimanche, elle s'appelle Becky Lynch. Et elle vient, elle fait la tronche, elle ne fait pas de high five aux fans. Elle arrive et elle nous dit qu'elle méritait d'être championne. Alors, elle fait pas de high five aux fans, mais les fans l'applaudissent. Et... Voilà, on est de retour après que mon lait de soja se soit étalé sur le clavier, comme le dit Jessica. Donc, Becky Lynch est comme moi, elle est pas contente de ce qui vient de se passer. Elle râle, elle dit que Charlotte l'a trahi. Charlotte, qui est censée être sa meilleure amie, hein, on se souvient. Elle lui dit donc qu'elle l'a trahi. Alors attends, je reprends la promo. Où est-ce qu'elle est passée ma promo? Ouais, qu'elle s'est battue, ça c'est vrai, elle s'est battue pour regagner cette opportunité pour affronter Carmella, alors que Charlotte elle est arrivée comme une fleur et qu'on lui a donné ce match. Elle rappelle que Becky, voilà, c'était la première championne de SmackDown et qu'elle a mis la division de, féminine de SmackDown sur la carte, comme Melbourne, et que les fans ont réagi comme si... comme si c'était important, mais en fait non, il n'y a pas eu de hashtag quand il y a eu cette histoire de Charlotte, personne ne s'est battu pour elle, voilà, ça elle est pas contente, elle l'a applaudi, et là elle dit un truc qui est totalement faux, on va voir, ce discours est un peu étrange, à la fois dans son écriture et dans les réactions que c'est censé générer, elle dit que voilà, que quand elle a gagné, ils ont applaudi Charlotte au lieu d'être mécontent, alors qu'évidemment c'était totalement faux, Charlotte s'est pris comme des grosses huées, c'est important. Et que les gens ont applaudi le fait qu'elle se fasse taper à tabac. C'est très important. Elle dit que c'est ça. Elle la meilleure, qu'elle a été faite pour ça. Elle critique cette nouvelle génération de fans, c'est du talk et no action, quoi. Elle prend les choses en main pour aller botter le cul à cette Charlotte qui lui a volé ce moment. Charlotte n'est pas contente, elle arrive, elle a la ceinture, elle la monte, ah comme ça, il y a la ceinture, bah moi je m'en fous de la ceinture, elle la balance, et elle dit, on va juste se mettre sur la tronche si tu veux, il n'y a pas de problème. Et c'était du coup, génial. Ouais, c'était pas mal, c'était plutôt bien vu. C'est et super. Elle arrive, elle se met sur la tronche, et la foule continue d'applaudir Becky, Paige et toute la division féminine viennent les séparer. Mais elles ont décidément envie de se mettre sur la tronche et ça se termine là-dessus. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ou à voir séquence. Parce que là, on parle beaucoup de ces histoires d'alignement de face et de heel, de qui on doit pousser, etc. Là, écoute, c'était un gros bordel. Un gros bordel. Pour nous, spectateurs, il n'y a pas de doute sur qui doit être la gentille, qui doit être la méchante. Mais visiblement, à Stamford, on n'est pas aussi sûr de ça, quoi. On ne sait pas. Voilà. Si, à la limite, avant de rentrer dans l'analyse de ce truc, histoire qu'on soit tous d'accord, je pense que Becky Lynch, évidemment, aurait dû être la gentille dans cette histoire et que Charlotte aurait dû être la méchante. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus simple. À tout point de vue, ça aurait été plus simple. Bon. Et maintenant que ça c'est dit. Ce qu'on nous propose est plutôt bien fichu, moi je trouve. Malheureusement, je pense que Becky Lynch pourra faire tous les efforts du monde pour faire des promos heel de fou comme elle a fait cette semaine, parce que c'est une promo heel, elle est magistrale sa promo. C'était du très très gros boulot. Que ce soit dans la diction, dans le rythme, dans le texte qu'on lui a donné. Parce que dans une promo de heel, c'est ultra important de dire des choses vraies, mais c'est très important de dire des choses vraies qui sont saupoudrées de faux et de mauvaise foi et d'hypocrisie. Mmh. Et c'est exactement ça, puisque il faut toujours qu'un heel ait des choses vraies à dire, qu'il ait des motivations, machin. Mais quand elle dit que Charlotte, on lui a donné le match, que vous avez applaudi à la fin, que personne ne me soutient jamais, que c'est un scandale, machin, tout ça, c'est des réactions de pure heel qui viennent invalider toutes les bonnes raisons du monde qu'elle peut avoir et donnent à son comportement vraiment une teinte heel détestable et tout, donc vraiment c'était bien joué, voilà, mais je pense qu'elle pourra faire tous les efforts du monde, elle pourra faire toutes les meilleures promos, elle pourra faire du super boulot dans le ring, je pense que malheureusement on partira de trop loin Ouais, c'est ça. Vis-à-vis du public pour arriver vraiment à ce qu'elle soit détestée. Et c'est dommage parce que y aurait moyen. Hein, moi, je trouve que c'est pas trop mal foutu. C'est pas trop mal écrit cette histoire. C'est pas ce que j'aurais choisi. Mais une Becky Lynch qui perd un peu la tête et qui a l'air un peu perdue, qui d'un seul coup est prêt à mettre à la poubelle 10 ans d'amitié avec sa copine pour une ceinture. Et l'image quand Charlotte arrive avec sa ceinture à la main et qu'elle la jette, moi je trouve que c'était vachement bien. Ouais, Parce que c'est genre, c'est ça que tu voulais, c'est pour ça que tu m'as attaqué, que tu es en train de me trasher alors qu'on est des potes et tout, c'est ça que tu veux. Et ben genre, moi je m'en fous, regarde, et je la jette et tout. Et après, elle se jette sur le ring pour la tabasser. Et y a, dans le brawl qu'il y avait, c'était un des meilleurs brawls, je trouve, que j'ai vu depuis ouais, vachement on sent longtemps. qu'ils n'ont pas l'habitude, mais il y avait vraiment une Non. santé, une envie de vraiment de se mettre sur la tronche, quoi. Ouais, mais il y avait un côté expiatoire aussi, tu avais l'impression de voir comme dans un film ou dans une série deux super potes qui se tapent dessus parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui regrettent en même temps, tu vois, genre, tu sais, elles se cognaient dessus de toute leur force, mais c'était un peu sorte de, ouais, un peu de sorte d'exutoire, mais qu'elles voulaient pas vraiment, et même Charlotte, elle y retourne, elle y retourne, elle lui tape dessus, mais quand on la sépare, tu vois que ça la fait chier, que c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer et tout. Donc je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a une vraie, si jamais ils jouent bien le truc, tu vois, genre les semaines d'après, parce qu'il faut pas que, si jamais ils nous font un truc ultra gnangnan, style heel turn WWE, made in WWE classique, où la semaine prochaine, ils vont faire un 3v3 avec Peyton Ross et Billie Kay contre Charlotte, Naomi et machin truc, parce que maintenant elle est copine avec les heels, et que du coup, bah fuck tout, j'emmerde tout le monde, parce que du coup maintenant je suis une heel. Non. Je pense qu'il faut garder ce côté un peu perdu qu'elle a, où genre elles sont potes et en fait elle a craqué parce qu'elle a pas eu la ceinture et elle a pété un câble. Et Charlotte, il faut pas non plus qu'elle soit over top face, faut qu'elle je sais pas, qu'elle concède un peu aussi que oui, bah oui certes j'ai mon statut, mais en même temps je l'ai mérité ce statut, c'est pas n'importe quoi, je l'ai gagné, mes places, mes shots, mes titres, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de nous ruiner notre amitié pour cette histoire, machin. Je pense que ça peut fonctionner un truc comme ça, mais faut que ce soit, mais bon voilà, quoi qu'il arrive, malgré tout l'enrobage que je pourrais essayer de mettre, je pense que ça va être compliqué, Ça va ça être va être très compliqué. compliqué. Ça va être compliqué. Alors, effectivement, on a une belle. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est ouais, c'est quand même bien écrit. C'est assez organique et assez subtil. En tout cas, un peu plus que ce qu'on pouvait voir l'autre tentative qu'il y a eu du côté de Monday Night Raw, évidemment. Je pense à Bayley Oui. et Banks. Après, comme tu le dis, ils partent de tellement loin. Ce qui s'est passé à SummerSlam, c'était organique. Enfin, c'était vraiment ça. Et en fait, c'était assez. Les gens n'ont pas compris ce qui se passait. On n'a pas compris ce qui. Non, parce La que WWE a voulu raconter quelque chose. le contexte était mauvais. Le contexte était mauvais. Et quand bien même, je dois être honnête. En fait, je me suis dit, mais enfin, Becky Lynch, pourquoi elle fait la tronche? C'est un triple threat, c'est quand même chacun pour soi. Je dis, elle paye un peu le prix de cette fameuse amitié qu'elle mettait par-dessus tout, au point que ça en devenait vraiment gnangnan. Moi, ça m'exaspérait. Elle s'est fait avoir, bon, bah voilà, quoi, elle s'est fait avoir. Enfin, c'était pas genre. C'est toujours bizarre ces triple threats où, en fait, grosso modo, t'as pas, on est à 2 contre 1, quoi. Ouais. Au final, c'est même pas très face, mais bon. Et. Là, moi j'ai beaucoup aimé l'intensité de Becky Lynch. Au moins, ça le principal La promo mérite est top, que hein. j'y vois, c'est vraiment une Becky Lynch retrouvée, une Becky Lynch libérée, Oui, parce qu'elle délivré. délivrée, exactement, parce qu'elle était vraiment au top en termes d'intensité. T'en oublies même son accent d'irlandaise, là. Il y avait vraiment une grosse intensité que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Le texte en lui-même était. Moi, je trouve justement, tu disais voilà que c'est bien quand les heels disent des vérités. Elle en a beaucoup dites d'ailleurs, mais après qu'après avec un peu de mauvaise foi. Sauf que là, j'ai trouvé que la mauvaise foi, elle était pas très bien écrite parce Un que peu vraiment, grossière. ouais, c'était grossièrement le fait de dire vous l'avez applaudi et moi vous Bah, m'avez hué. je suis d'accord, mais le problème, c'est que c'était compliqué Mais parce oui, non, mais je sais que. bien. Mais là, c'est ça. Après, c'est factuellement, c'est ça qui s'est passé. Je sais que c'est compliqué et que grosso modo, là, ils y vont sans trop réfléchir. On voyait même elle faisait pas du tout attention à ce qui se passait. Je pense que clairement, on lui a dit ou elle s'est mis en tête de pas du tout faire attention à la réaction du public. Alors, moi, je. Enfin. Détrompe-toi. Je pense qu'au contraire, elle faisait très attention à ce que le public faisait, parce que justement, sa diction empêchait toute. Enfin, genre, oui, à chaque fois. Oui, non, mais oui, d'accord. Fais pas attention. Ah, oui, d'accord, fais pas attention. Elle faisait pas de pause. Non. C'était très bien fait pour empêcher. C'est ça. Pour justement étouffer un petit peu les applaudissements. Quoi. Oui, pardon. Donc, finalement. Nous sommes d'accord. Nous nous rejoignons. Voilà. On s'est mis sur la tronche, voilà, comme tu disais. Et puis à la fin, on se rend compte qu'on était d'accord. Il n'y a pas besoin de se taper sur la tête. Mais c'est vrai que du coup, ça donne une dimension un peu étrange. C'est pas irrécupérable, comme tu le dis. Je pense qu'on peut continuer sur cette lancée et que de toute façon, il faut y aller. Mais que ça va être compliqué, effectivement, vis-à-vis du public. Il va falloir. Je sais pas, en fait. J'ai du mal à imaginer comment ils vont réussir, à part à l'usure, ou vraiment en faisant des grosses crasses. Mais tu sais quoi, je sais même pas s'il y a vraiment un intérêt à essayer de recapter le public dans le bon sens. Je sais pas. Est-ce qu'on peut pas juste les laisser se mettre sur la tronche en étant toutes les deux. En fait. Est-ce que la semaine prochaine, est-ce que ce qui serait pas cool, c'est que finalement Charlotte arrive et déballe aussi un peu son truc, et que finalement ces deux faces qui deviennent deux heals, parce qu'en fait elles en avaient gros sur. Pas deux heals, genre c'est des heals, mais genre juste. Elles en avaient gros sur la patate, elles se sont mises sur la tronche, et le temps de cette rivalité là, bah, elles vont juste être unleashed quoi, et se mettre sur la tronche indépendamment de. C'est compliqué, parce qu'il faut... Déjà, ça pourrait être plus simple en termes de match après derrière à gérer, ça c'est sûr. Bon, pourquoi pas, écoute. Moi, je j'occulte pas l'option du double turn dans l'autre sens après, hein, parce qu'en fait, ça, de la manière dont c'est écrit, parce que je trouve que c'est vraiment pas trop mal écrit, s'ils vont pas toute voile dehors sur un truc très très gnangnan à partir de la semaine prochaine où elle va commencer à insulter tout le monde et s'aligner avec tous les heels de la Terre, son heel turn, pour moi, quand elle le raconte, il fait pas très définitif, en fait. C'est un heel turn, faut arrêter cette branlette de face turn, de face ou je sais pas quoi là, ou truc. Non, c'est un heel turn, et c'est d'ailleurs un plutôt beau heel turn avec une magnifique promo. Malheureusement, la mauvaise personne, mais c'est un dans les faits, c'est un très très, enfin c'est un beau heel turn. Il y a pas de sujet. Mais il n'est pas définitif, il n'est pas trop grave, dans le sens où voilà, tu t'écoutes la promo de Becky Lynch et puis tu te dis, elle a l'air paumée, comme tu disais tout à l'heure, elle en a gros, elle a craqué, elle vide son sac, mais est-ce qu'elle pense vraiment tout ce qu'elle dit, et en même temps, la réaction de Charlotte peut la ramener un peu à la raison. Tu vois, c'est une sorte de. Peut-être qu'il peut y avoir un premier segment de la feud où Charlotte va essayer de la raisonner. Et va subir un peu les foudres de Becky Lynch, d'une sorte de Becky Lynch un peu enragée, aveuglée par la déconfiture qu'elle a eue à SummerSlam, et elle va subir un peu les foudres, essayer de la raisonner, et au final, in fine, peut-être qu'il va y avoir finalement ce double turn où, moi j'aimerais bien voir ce scénario, où Charlotte va finalement péter un câble aussi, et puis va dire, écoute, en fait, tu sais quoi, t'as raison, c'est moi la meilleure, tu m'emmerdes, va te faire voir, c'est moi la top star de SmackDown, tu seras jamais personne, finalement t'avais bien raison, et puis Becky Lynch, peut-être d'ici là, elle était en train peut-être de revenir à la raison petit à petit et tout, hop, t'as un double turn et t'as finalement une feud qui pourrait être une belle rivalité qui se prolongerait longtemps. C'est vraiment cette histoire-là, ce match, ce qui s'est passé, les font un peu péter un câble, toi, et elles se détachent complètement de leur côté meilleurs amis un peu gnangnan, et en fait les deux se mettent sur la tronche, et peut-être qu'effectivement il y a un décalage qui se crée, et qu'effectivement peut-être à la fin on aura un turn entre les deux, pourquoi pas, oui, ça pourrait être, on sait qu'un double turn bien exécuté, c'est rare, mais quand c'est bien fait c'est beau. Bon, écoute, en tout cas, impatient de voir ça se dérouler la semaine prochaine, la suite, avec, on l'espère, peut-être un petit discours, une petite promo de Charlotte, je pense que ce serait le bienvenu. Allez, on continue avec les deux derniers gros titres. Le premier, alors, oula, attention, impossible de charger le fichier, évidemment que je vais charger ce fichier, le champion du monde, AJ Styles, qui est venu pour une promo, une interview avec Renee Young, mais finalement il n'a pas le temps de dire grand chose, qu'il se fait attraper, choper par cette enflure, cette ordure. Cette très très belle ordure, oui. De Samoa Joe qui était juste derrière, finalement. Et qui donc lui porte sa prise de soumission, gros dodo. Et il attrape la caméra. Il s'adresse à Wendy. Donc à... Oh, Wendy! Oh, c'était horrible. C'est vraiment. Genre le Candyman, quoi. C'est vraiment le personnage de film d'horreur, quoi. Qui te poursuit jusqu'à ce qu'il te. Il te tue tout simplement, en espérant qu'ils vont pas jusque là, mais donc voilà, il dit voilà, ton papa là, en plus, il s'adresse à la fois à sa femme, je crois, et à sa fille, en tout cas à sa famille, qu'il l'a mis au dodo. Voilà, donc on continue entre les deux, on continue avec ce Samoa Joe complètement dingue, un AJ Styles finalement qui n'a pas vraiment eu le temps là, de placer sa petite promo pendant sa petite interview. Même si voilà, il a eu quand même le temps de dire que qu'il expliquait qu'effectivement il s'est fait avoir par sa colère. Donc grosso modo, il s'excusait et il faisait une promesse que il allait arracher quand même le cœur de Samoa Joe. donc, ouais. On est clairement passé à un stade supérieur là. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais mais apparemment Joe n'est pas content. Aucun des deux n'est content. Non. C'était génial ce segment. Court intense, exactement ce qu'il faut. Comment parfaitement meubler un épisode de SmackDown sans faire catcher les deux, mais en faisant avancer l'histoire encore, c'est génial. J'espère, ça n'a pas encore été annoncé, mais j'espère que ça va se régler dans un Hell in a Cell, tout ça. Ça semble évident dans la cage. Et là, je pense que c'est le moment. Pour Samoa Joe de remporter le titre. Il est chaud comme la braise. La rivalité est superbe. Je pense que là, c'est le moment. J'ai beaucoup aimé, comme dit, j'ai eu exactement le même sentiment que Sully sur le chat qui dit bon segment old school. C'est vrai que le côté interview près de la rampe, je trouvais ça très sympa. Ouais. Ils le font pas souvent, mais je trouvais ça très cool. C'est une sorte de petit truc qui font que d'un seul coup, t'as l'impression de regarder un petit segment un peu différent. C'est excellent. On grimpe encore. Voilà, la gradation dans la violence des propos et des actions. Et maintenant, AJ Styles a encore plus qu'avant toutes les raisons du monde de complètement unleash, hein, pareil lui aussi, complètement slasher, et ça peut donner un match vraiment diabolique dans la cage dans quelques semaines. Donc écoute, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Rien à dire, rien à ajouter, monsieur le juge. On veut voir la suite, on veut voir ce Samoa Joe, la cage thoracique de Samoa Joe s'ouvrir et AJ Styles lui prendre son cœur. Mais ça peut être plutôt intéressant. Écoute, on continue dans la violence, beaucoup, beaucoup de violence dans le show bleu, puisque le main event est un match no DQ entre les champions Bludgeon Brothers et le New Day, représenté par Woods et Kofi. La brawl commence, et c'est vrai que les New Day, ils trouvent un peu la parade. Hein. Visiblement, ils savent un petit peu comment tenir tête aux Bludgeon Brothers. Ils sont malins, ils sont futés, ils ont le sens du sacrifice. Tout le monde brille, hein. On est vraiment dans un gros match ce soir, une belle grosse affiche, même dans un match peut-être même encore meilleur que celui qu'on a eu dimanche. Oui, je pense. Big E est blessé, hein. Il a les côtes fêlées, il s'est quand même pris un coup de marteau dimanche soir. Il mange des ribs pour essayer de les réparer. Comment vont tes ribs, comment vont tes côtes? Mais elles sont délicieuses, dit-il, en train de se goinfrer. C'est tellement dégueulasse, les Américains et la bouffe. Voilà, donc Harper, Rohan. Alors, Rohan visiblement est blessé, hein, je crois, c'est ça backstage. Oui, apparemment il catchait blessé. Catchait blessé. Avec une blessure assez douloureuse en plus. Assez douloureuse, mais justement, on lui a quand même demandé, ou lui lui-même, de briller parce qu'on l'a plutôt pas mal vu. Ah bah il s'est pas ménagé. Ça se balance dans les tables, on commence à sortir les chaises, les tables, les échelles, ça se balance sur les tables des commentateurs. Kingston et Rohan sont out. Harper place Woods pour la powerbomb à travers la table. Kingston est de retour. Il rejoint Xavier Woods pour mettre hors jeu Harper. Et Xavier Woods place il le place sur la table. Non, sans que un peu plus tôt dans le match, Kingston a mis un coup. Hein, il a pris Ils ont pris les marteaux en fait des champions pour les tabasser. Et du coup, c'est Harper qui est sur la table et Xavier Woods place son top rope elbow à travers son la limit table. Breaker. Ouais. Un limit breaker, ouais. Fan de jeux vidéo évidemment. 1, 2, 3, le tombé, le New Day a vaincu les Blue John Brothers. Alors les deux étaient sur Harper pour faire le tombé. Écoute, j'ai même trouvé ça dommage qu'il n'y avait pas les trois dessus. Je pense que Biggie aurait dû. Mais si Biggie aurait dû, parce que c'est quand même les Blue John Brothers, et je pense que c'était important de montrer que les New Day étaient forts, que la seule façon de battre les Blue John Brothers, c'est qu'un des deux soit blessé et qu'il soit à trois pour faire le tomber sur un. J'aurais trouvé ça génial, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité du match. On avait un match triple A ce soir, ouais, magnifique. Ça s'est terminé comme ça. Écoute, qu'est-ce que tu en as pensé de ce cinquième titre de champion par équipe des New Day? Cinquième titre, superbe, super match, super main event, super prise de titre, très bien raconté dans le ring, parce que ça m'a vraiment pris de court. Tu vois, je pensais pas, déjà parce que je lis pas. Les rumeurs de, je l'ai su après qu'il était blessé. Ouais, non plus, j'étais pas au courant. Et je l'ai su après, et puis alors franchement, ça te fait douter de la véracité de la rumeur quand tu vois son match, parce que il nous a fait un match de champion. S'il avait vraiment un problème au biceps là, mais c'était assez exceptionnel. Mais écoute, c'était bien foutu parce que moi, je pensais, je le voyais arriver gros comme une maison là, où, parce qu'ils se sont fait martyriser pendant quasiment toute la seconde moitié du match. Le New Day, ils se sont fait écrabouiller et je voyais venir facile la tentative de comeback héroïque, mais qui serait finalement vaine avec le crucifix powerbomb sur l'échelle et terminé bonsoir et tout. Ça, c'était assez dingue, ça. Et écoute, non, ils ont fait un magnifique babyface comeback, super fin de match. Ils ont parfaitement exploité la stipulation. Ouais, c'était un très très beau title match, très très beau main event et une belle prise de titre. Je suis voilà, les Blood John Brothers ne sont plus malheureusement à cause d'une blessure. D'une blessure, il semblerait. Ouais. Donc, dans les temps difficiles, quand il faut pallier à un imprévu, on appelle les tauliers. Donc, dans ces cas-là, c'est le New Day. Ça me déplaît pas. Moi, je suis toujours pas fatigué d'eux. allons-y gaiement. Écoute, c'est pas mal. Bon, pauvre Blood John Brothers. En tout cas, ils sont partis sur une note, sur une belle note. C'est ça. Et puis maintenant la suite, ça aura au moins le mérite d'ouvrir un peu peut-être la division pour la suite, puisqu'on a eu une annonce pour la semaine prochaine au niveau du number one contender, donc voilà, peut-être une nouvelle petite rivalité à venir. Les Blood John Brothers sont libérés le paysage et puis on va voir ce que ça présage, mais voilà, écoute, c'était vraiment cool. Ouais, écoute, j'adorais. Effectivement, l'explication, enfin la blessure de Rowan, explique et justifie énormément ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé à la fin de SmackDown. Ça laisse un petit goût amer quand même pour ce run des Blue John Brothers, quand même, qui a été un long run, puisqu'ils sont champions depuis WrestleMania. Il y a quand même, mine de rien, c'était pas rien, un long run de 5 mois environ. 5-6 mois, c'est 5 mois de reign, mais c'était un reign totalement transparent. Quand on sait que la division tag team de SmackDown, qui est remise sur le devant de la scène ce soir, est une division totalement incroyable, ça arrête de se dire qu'on était un petit peu privé de tout ça pendant 5 mois, et là on redécouvre, un petit peu cette division-là, même s'ils ont eu des beaux matchs, hein, attention, en weekly, les matchs de qualif et tout, il y avait quand même du lourd avec, avec l'arrière-garde là, qui est là, et puis les The Bar et tout, enfin on manque pas de talent. Donc voilà, tant mieux pour les New Day, hein, les petits, petits filous qui arrivent à choper comme ça un peu en douce un cinquième run. Surpris de ne pas voir Sanity du tout se mêler au débat, peut-être la semaine prochaine. Ça va se bousculer au portillon du coup. Ouais, mais c'est vrai que je suis surpris de voir que du coup là, les Good Brothers et The Bar se bookent un petit peu leur match dans leur coin. Et que Sanity est absent des débats, c'est, je sais pas, on verra peut-être la semaine prochaine, mais c'est... Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu un petit peu attendre justement d'avoir ce match-là pour un petit peu remettre tout le monde à niveau, quoi, et ouais. Remettre enfin toutes les équipes, refaire à l'inventaire des équipes de SmackDown pour aller après défier les New Day qui auront peut-être un règne moins long qu'habituellement. Mais Peut-être, oui. Voilà, tout est possible du coup maintenant. Là, ça peut être. Oui. Et New Day, on va dire que c'est des champions de transition. Peut-être qu'ils lui feront mentir. Il faut être un petit run de transition pour peut-être justement ouvrir la porte soit à des nouveaux champions ou peut-être à des anciens qui reviendraient. Écoute, en tout cas, c'est une belle façon de terminer ce gros week-end, hein, SummerSlam. Une note évidemment positive avec des faces valeureux qui gagnent. C'est l'heure du coup du mot de la fin pour ce SmackDown. Est-ce que tu veux bien nous partager ta note, ton top et ton flop, s'il te plaît? N'hésitez pas à faire la même chose dans le chat ou dans les commentaires. Alors, mon flop, eh ben, écoute, très honnêtement, je n'en ai pas. Il n'y a rien, je trouve, cette semaine qui était mauvais. Parce que je peux pas le donner à Peyton Ross et Naomi parce que c'est indifférent, il y avait pas vraiment d'histoire dans leur match, c'est un match de remplissage. Donc j'ai pas de flop, voilà, pour la peine, je vais dire j'ai pas de flop. Et mon top, là par contre il y en avait un paquet. Le truc qui m'a le plus surpris en bien cette semaine, je pense que je vais le donner étrangement à Jeff Hardy parce que et à l'écriture de la rivalité Jeff Hardy Orton qui prend un autre virage et qui vraiment je ne m'attendais pas du tout à... les trois autres programmes principaux de SmackDown, il n'y a aucun problème, aucun souci à se faire, c'est très bien, mais alors celui-ci je ne pense pas que ça allait m'intéresser et du coup ça rend vraiment le show en tant que tel très très homogène, il n'y a pas de parents pauvres. Donc je vais donner mon top à Jeff Hardy et Randy Orton. Et puis ma note, je vais mettre un 4,5 parce que j'ai trouvé que ce SmackDown était génial et que SmackDown marche sur l'eau en ce moment puisque voilà, comme je disais, je trouve qu'il y a pas de parents pauvres à tous les étages de la fusée. Ça se passe bien, ça avance bien et puis écoute, c'est cool. Je prends beaucoup de plaisir à regarder SmackDown en ce moment. Ouais, écoute, je me joins à toi pour cette note 4,5 pour les mêmes raisons. On a eu, mais chaque segment, le SmackDown qu'on aime. C'est tout simplement le SmackDown qu'on aime. Du rigolo backstage, des bons matchs, des bonnes promos. Voilà, une ceinture défendue, un gros main event, un petit changement de titre, des grosses promos, des rivalités, des choses un petit peu inattendues. Écoute, moi, mon top, je vais le donner à Becky Lynch pour l'intensité de sa promo, parce que ça faisait longtemps, trop longtemps qu'on n'y avait pas eu droit, et je commençais un peu à désespérer. Au fond de moi, je me disais, mais en fait, elle est trop, elle se fait bouffer, même backstage, quoi. J'ai l'impression qu'elle se bat pas pour revenir au top, et du coup, je commençais vraiment à abandonner en me disant que finalement, si on la faisait perdre à chaque gros rendez-vous, c'est peut-être parce qu'on n'avait peut-être pas suffisamment confiance en elle, et que quelles étaient les raisons, toi. Et je me suis dit, peut-être que elle a plus la motivation, elle a plus ce feu sacré. Là, pendant cette promo, elle l'avait, j'ai adoré sa promo, même si elle était perfectible, et que le contexte est très très très perfectible, mais en tout cas, elle a montré, fait preuve d'intensité. Et mon flop, écoute, t'as pas donné de flop, on est d'accord? Non, j'en ai pas. Okay. Je pourrais pas jeter la pierre à quelqu'un cette semaine. Ouais, écoute, moi ça va être un petit peu pareil. Allez, pas de flop, allez, YOLO. Pas de flop pour SmackDown cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est tout bon, c'est tout bon. Hein. Bon, allez, en tout cas, on remercie tous les gens qui étaient présents sur le chat pendant cet enregistrement en live qui a connu un petit souci technique, mais finalement, quand on parle de deux shows, il y a un gros programme, C'est la vie. C'est la vie, comme disent les Américains. En tout cas, ouais, merci de nous suivre chaque semaine un peu plus nombreux. Catch Up, c'est votre podcast qui transpire le catch, mais surtout qui résume et analyse les shows de la WWE. Vous pouvez évidemment nous suivre en audio sur PodCloud, iTunes, c'est tous vos logiciels d'abonnement au podcast. Pour la vidéo, ça se passe sur YouTube où on enregistre très souvent en direct. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas surtout à partager vos commentaires sur la vidéo, à nous mettre un pouce si vous avez aimé. Comme ça, ça fait un petit peu de visibilité pour le podcast. Dites-nous votre top, votre flop et votre note. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux épisodes très attendus, puisque on attend des explications du Shield, on attend des explications de Braun Strowman, on attend des explications de Charlotte. Voilà, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, tous ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et ben ça, on le saura la semaine prochaine et on vous en parlera évidemment. Je te remercie, Giscal, pour ton esprit d'analyse toujours aussi affûté. Écoute, merci, Irem, cette présentation retrouvée. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut! Salut!